mes enfants, c'est le grand-père Hiver. Je suis arrivé avec mon beau traîneau gnomique X756G. Enfin, mon traîneau, quoi. Pour Noël et le voile d'hiver, je vous apporte de fantastiques cadeaux. Alors, pour commencer, mes ateliers ont fabriqué une jolie poupée de cire et de son qui éternue quand on lui touche le nez, Amandine. Puis, pour les garçons, un authentique Ludo grandeur nature qui parle quand on lui donne du couscous. Oh, mais que vois-je? J'ai également le dernier modèle du JP à lunettes qui fait au micro. Et pour finir, une marionnette circule qui fait de la musique par son derrière. Voilà, voilà, les enfants. Je vous souhaite un joyeux Noël et des bonnes fêtes. Et comme dirait Céline, vive Rotec You. Bonjour et bienvenue pour ce 9e épisode de Wotaku. C'est Noël. Au moment où vous nous écoutez, vous êtes déjà en train de regarder les cadeaux qui se trouvent sous votre sapin. Et on va rajouter 4 petits cadeaux. C'est nous. Et oui, c'est Wotaku. On est content d'être là. C'est nous. Préparez la réserve de couscous pour moi. Parce que j'ai voilà. Moi, je vous ferai de la musique par mon derrière. Amandine fera des petits éternuements. Et Chipé fera ses mythiques. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Allez, ce coup-ci, je laisse ma place. Bah ok, je prends le premier. Bah alors moi, ce mois-ci, je joue un peu plus intensivement à WoW. Je vous ai offert Rosewind, comme vous avez dû le remarquer, sur Kirin Tor. Donc là, je joue un elfe de 100 paladins. Ouais, bah voilà, s'il y a des gens de la Horde sur Kirin Tor, bah si vous voulez, on est dispo. Si vous voulez peut-être jouer avec nous, il n'y a aucun problème. Charmé par le patch 3.3 qui est sorti entre-temps, j'ai beaucoup apprécié. Et tu as reçu un nouveau cadeau? Ah oui, le popo Noël est passé plus tôt pour moi. C'est pas le popo. Papa Noël, c'est le popo Noël. Ouais, avec le caca Noël de et Mister Inkle. Ouais. Mais non, mais c'est quoi, c'est les enfants qui disent le popo. Tu vois, c'est le gros popo Noël. Bah, bref. Oui. Ça, voilà. C'est dans le sud qui dit ça. Hein. Donc, alors moi, le papa Noël, c'est mon opérateur téléphonique qui m'a apporté un bel iPhone. Un 3GS. Depuis le temps que tu bassinais avec ça. faut remettre les choses dans leur contexte, ça fait un an que je me braque Windows Mobile. Alors tout le monde me dit attention, Windows Mobile c'est vraiment Windows Mobile, et effectivement, au bout de 2 jours d'utilisation, je peux dire que c'est une vraie daube ce système. Mais waouh, l'iPhone à côté, c'est le jour et la nuit quoi. J'aime bien le souci de riche. Hein. C'est, non, j'ai Windows Mobile et maintenant j'ai un iPhone. Puis, moi, je me trimballe toujours avec mon vieux portable tout pourrave qui m'envoie un SMS tous les quarts d'heure. Le JP, il a le Nokia 3310. Ah, mais non, mais. T'avais la cagette. J'ai le vieux Motorola dans la valise. Ah non, moi, c'est une cabine téléphonique que je me trimballe, mais. Ah non, enfin, moi, c'est vrai que l'iPhone, tout le monde le sort à chaque coin de rue, mais en tout cas, je suis super content avant, depuis le temps que je le voulais, et je suis vraiment, vraiment satisfait par ça. Ça fait un haut fait dans ta ville de l'avoir. Ah ouais, un haut fait de geek, quoi, carrément. Bon, c'est bon, Ludo, arrête de crâner. Allez, JP, qu'est-ce que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, moi, ce que j'ai pas encore reçu, mais que je devrais recevoir, si les grands dieux de la chance sont avec moi, ce sera un iPod Touch. Hein. C'est presque, iPod, presque aussi bien, mais pas pareil. Pas pareil, hein, parce qu'ils sont pas prêts de payer. Mes parents sont pas prêts de payer un forfait à 1000 euros juste pour que je fasse le con sur internet. Hein. Oh, le plouc, il a pas d'iPhone. Oh, <t'es> comme disait Ludo, bah, on est toujours sur Kirintor. On se tape des barres avec Circle et Ludo. Et puis, bah, on espère que cet épisode vous plaira. Hein, que vous allez vous amuser autant que nous, on s'amuse à le faire. Parce que c'est parti bien en couille. Et ben, comme voilà. Et comme voilà. C'est bien le mec, c'est ça qui va repartir. Et, voilà. Et comme cadeau, je vous signale que je ne monte pas du tout cette partie d'introduction. Elle vous sera livrée telle quelle. Voilà. Et ben, comme voilà. Ah bah c'est chaotique. Bah, et moi je me porte très bien, merci. Ah ouais. Pour une fois, pendant un mois, elle a pas failli crever, donc. Ah oui, t'as pas eu l'eczéma de mycose ou une connerie dans le genre là, c'est bon. Oh, je suis le nom est français, c'est bon, tout va bien, voilà. Non, bah, Amandine, vas-y, alors, qu'est-ce qui est arrivé dans ta fabuleuse vie? La fabuleuse vie de Amandine. Non, je rigole, je m'auto-chambre en plus, je suis ridicule, c'est pas grave. Et ben, moi, je suis très très contente d'avoir dépassé, d'avoir bientôt dépassé les 5000 points de haut fait sur ma prêtresse et les 3000 sur ma paladine. Parce que bah, je sais pas pourquoi, mais j'ai la fièvre des hauts fers récemment. Dans la guilde, on m'appelle Miss HF, parce que de toute façon, chaque fois qu'on part en instance, on en fait 3 ou 4, parce que je suis toujours là. Hey, est-ce qu'on peut faire les hauts fers, s'il vous plaît? Les emmerde tous pour ça. Donc, c'est mon but actuellement dans la vie sur World of Warcraft. Sinon, je continue à faire mes petites BD. Je commençais à en faire une avec ma prêtresse. Je m'y mets lentement, mais sûrement. Et puis, bien sûr, je continue à dessiner. Quoi. Ah, Nid, une BD Amandine, quoi. Nid. D'ailleurs, Amandine, on peut le souligner, qui est de plus en plus active sur Twitter, ce qui est pas plus mal, justement. Oui, qui poste des trucs comme tout à l'heure, il y a une heure, comme quoi on voulait qu'elle fasse le podcast à poil. Oui, donc non, ce n'est pas... Non, on dira rien là-dessus. Hein. Donc non, Amandine n'est pas à poil. Donc, peut-être, hein, mais on peut pas la voir. Ah, on peut pas voir. Vous voyez comment je suis toute nue. Et sinon, toi, Circle, quoi de neuf? Oh, ben moi, pas grand-chose. À part crâner avec ton chasseur. Le mec ouais, blâmé, ben oui, là. Je me fais plaisir avec mon chasseur. Je fais beaucoup de DPS, j'ai plein de stuff. Je fais du PvP, ouais. Je tape tout. Et oui, ben sinon, oui, il fait froid. Il fait moins 10 la nuit. Je me suis cassé la figure plusieurs fois en sortant de chez moi. Donc c'est super, ma vie. ma rencontre avec le sol gelé. Non. Bah sinon, donc pas grand chose. Si, oui, je poste toujours mes petites musiques comme d'habitude. Alors, vous avez pu voir que je suis content, je suis fier d'avoir fait la nouvelle intro de Witty Q musicale. Voilà, superbe, soulignons-le au passage. Oui. Elle est vraiment, ouais. Vraiment belle. Histoire de pas encore le brosser dans le sens du poil. Oui, mais hein, brossement encore, j'aime bien, parce que vu que je suis quelqu'un de très poilu. Il faut le flatter. Allez, flattons-le. Bon, bah, c'est cool de vous raconter vos vies, mais qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Alors, dans le sommaire, pour ce mois-ci, nous allons retrouver, bien entendu, les news pour commencer. Ensuite, on va un peu déroger à la règle, parce qu'il n'y aura pas de partie histoire. Alors là, je vous sens extrêmement déçu. Bande de vendus. Mais, à la place, il y aura une interview. Et ce sera une interview un peu à la façon des histoires. Enfin, vous allez voir ça juste après la partie news. Ensuite, nous enchaînerons sur les trucs et astuces. Donc là, Amandine nous parlera des objets d'héritage, qui sont très intéressants justement en cette période si vous voulez faire des personnages secondaires. Ensuite, nous aurons dans l'instant souvenir la Cholomance. Alors, ce sera Cholomance ou Scholomance. Là, vous en saurez tout sur cette instance. Ensuite, la pierre de foyer. Dans la pierre de foyer, il y a quelqu'un qui va encore une fois nous rendre une petite visite. Donc, si vous étiez là à l'épisode précédent, vous savez de qui je parle. Le dossier du mois, ce sera de JP. Ce sera sur ses 10 commandements du MMORPG. Ensuite, nos coups de cœur, le courrier des auditeurs. Et pour terminer, bah, ce sera le bêtisier, comme on fait d'habitude. Et voilà, et sans plus attendre, on se lance dans la partie news. Bonjour, je suis le Grinch. Pour cette première partie consacrée aux voiles d'hiver, j'ai décidé de jeter un sort sur la connexion de Circle et de JP. Ils auront un son pourri pendant les 7 premières minutes. Nous sommes en décembre, et en décembre, c'est Noël. World of Warcraft n'y échappe pas pour la quatrième année consécutive, donc on fête le voile d'hiver en Azeroth, et c'est justement l'occasion pour se retrouver autour de boules de neige, de bonbons, de fume-bois. Donc vous avez fait les quêtes pour cet événement ? Ouais, moi j'ai fait les quêtes des gourmandises fume-bois et de sauver Metz and Loren, et voilà. Après, je trouve bien, le seul souci c'est que ça change pas des masses des années précédentes, c'est ça qui est dommage. À avoir à attendre peut-être les pets qui vont recevoir le 25 décembre. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué également, c'est rien de nouveau, quoi. En fait, si on l'a déjà fait les années précédentes, c'est encore une fois pareil, ça fait 4 ans que c'est la même chose. Je suis un peu déçu de ce côté-là, j'aurais aimé que justement il y aurait un peu de nouveauté, mais non. J'ai également été un peu déçu en me disant peut-être que la maison du Père Noël était en Orphandre, ça aurait été l'occasion justement de la voir, mais même pas. Moi, c'était la première fois que je faisais le voile d'hiver, parce que les autres fois, j'étais pas sur WoW. Je sais que c'était étrange, mais pour les fêtes de Noël, je n'étais pas sur WoW les années précédentes. Et du coup, cette fois-ci, je me suis dit, tiens, puisque maintenant, il y a les hauts faits des événements mondiaux, comme chaque événement mondial depuis à peu près 3-4 mois, j'ai tout fait. Du coup, je connaissais même pas les quêtes. Moi, j'avais jamais tué le Grinch. Le Grinch, Grinch, d'ailleurs, je me demande comment on dit. The Grinch. Grinch. The Grinch, non, parce que comme il y a un E à la fin et que normalement, il n'y en a pas, j'appelle le Grinch, ça me fait plus rigoler. Et du coup, j'ai bien découvert tout ça et tout. Les petits gourmandises fume-bois, c'était pas drôle parce que mon copain m'avait dit où était Metz and Loren, donc j'ai pas eu le mystère. C'est un petit peu mon quest helper à moi. Mais j'ai bien aimé. Ouais, j'ai trouvé ça sympa et puis j'ai hâte. En fait, c'est vrai, le seul suspense finalement qui reste, puisque j'ai déjà le titre, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va avoir à Noël sous le sapin. Non, bien sûr, c'est vrai. Les quêtes, elles sont sympas. Ça, c'est clair et net. Mais c'est juste le côté répétitif. Tu les fais une fois, c'est bon, tu les as vues et après, c'est toujours les mêmes pendant 4 ans. C'est juste ça, en fait, qui est un peu gênant, qui m'a pas trop plu. Mais d'ailleurs, c'est justement maintenant qu'on va commencer à voir les premiers dracs violets, je crois, ils sont. Quand on réussit le haut fait maître des traditions. Alors, c'est les protodrakes pourpres. C'est voyage au début du monde, c'est accomplir les hauts faits de tous les événements mondiaux, en fait. Donc, c'est là justement où on va voir les premiers, parce que ça va faire un an. Il y en a déjà qui ont été postés d'ailleurs sur oui. Le D'accord. Ils ont beaucoup commencé à popper d'ailleurs sur mon serveur. Il y a eu tout un vol de dragons. On n'a pas l'air de crasse juste. De toute façon, tu peux pas avancer sans marcher sur un protoberk. Donc voilà. Enfin, moi, je les ai pas faites. Je pense pas les faire cette année, les quêtes, parce que je les ai fait les deux années dernières. Juste rajouter par rapport à ce que moi j'ai fait. Le voile d'hiver, j'ai pas fait les quêtes. Je fais rarement les quêtes des événements mondiaux en fait. Je dois avoir. À peine une dizaine de hauts faits sur tous les événements mis ensemble. C'est juste que voilà, moi j'ai directement fait un petit business de bot d'hiver. Je me suis fait tout le set pour me déguiser en Père Noël et on s'est tous mis en Père Noël, on a dansé au milieu de la capitale, je trouve ça sympa. En gueulant Merry Christmas. D'ailleurs, si vous voulez devenir riche, c'est le moment ou jamais. Hein. Il suffit de mettre des petits œufs en vente. Un trafic de petits œufs, c'est. Je me demandais à combien je pourrais aller plus haut pour que ça se vende. J'ai quand même réussi à vendre des stacks de 20. Je les ai réussi à les vendre 20 PO pièces. Je me suis fait, il y a des gens qui sont cinglés, quoi. Bah, les boules de neige. Les boules de neige, tu les ramasses. Et il y en a qui les vendent à l'HV. Ouais, non, mais... énorme. Bah, tu sais, JP, c'est très simple. Au niveau 80, il y en a qui sont à 10 000 PO, tu vois. Ils s'en foutent, tu vois le truc. Oh, 20 PO, j'ai 10 000, c'est bon que j'achète. Je vais pas me faire chier à les chercher. De l'autre côté, ça m'étonne pas vraiment, tu vois, que ça parte aussi cher. Pour un truc que tu dois vendre même pas un PO, quoi, et encore. Bah moi, c'est encore pire. C'est avec mes personnages, je peux faire à la fois les bottes et la tenue, les vêtements d'hiver. Il y a des gens qui me proposent 50 PO. Ça me fait halluciner. Je me dis, c'est Noël quand même, alors je leur fais gratos, quoi. Je veux dire, c'est bien gentil, c'est quand même pas, c'est quand même pas n'importe quel événement mondial. Puis je m'en fous, j'ai plein de PO, de toute façon. Je saurais même pas quoi en faire, mais je trouve ça triste quand même. Le mec, il arrive avec ses compos, puis il est là, je donne 50 PO à celui qui me le fait. Waouh, je me dis, putain, j'ai pas le cœur à arnaquer quand même. Non, c'est qu'il a pas envie de s'embêter et qu'il veut la simplicité, il s'en fout, il a l'argent et voilà. Enfin, moi, je le vois comme ça, en fait. Concernant le voile d'hiver, il y a un haut fait qui me reste, le seul que j'ai pas fait, qui s'appelle la foire des trônes, oui, plomber les chefs ennemis. Apparemment, il y a plein de gens qui cherchent un peu. D'ailleurs, il fait pas partie du voyage au bout du monde. Il fait pas partie de la suite, enfin, des hauts faits à faire pour récupérer le proto Drake pour. Non, il fait même pas partie du haut fait pour le titre Le Joyeux, puisque je l'ai et je l'ai pas fait. Et du coup, je me demande, est-ce qu'on va, par exemple, nous offrir une carabine à plomb? On devra leur tirer dessus, parce que enfin quoi qu'il en soit, ça risque d'être compliqué. S'il faut aller dans les capitales adverses, on va bien rigoler le soir de Noël. C'est quoi ce haut fait? Il faut faire quoi en fait? En fait, c'était une carabine, enfin, je pense que c'est ça, c'était une carabine à plomb, comme à la foire du trône à Paris. Et tu dois aller plomber, tu dois aller plomber les chefs de faction. Les chefs de faction ennemis. Ouais, enfin, les chefs de l'alliance en fait, Vélène, Varianne, le nain, les mécanivelles et compagnie, et tu dois aller leur plomber le cul dans leur capitale. À mon avis, on va beaucoup rigoler. Enfin, en tout cas, moi, je pense que je vais le faire, ça. Je vais bien me marrer. Non, voilà, si vous n'avez pas fait, c'est l'occasion justement de les découvrir. Ils sont vraiment intéressants. Surtout, hein, c'est Metzen le renne que j'aime beaucoup. Le pauvre petit renne qu'il faut sauver. Petit easter egg pour Chris Metzen. Hein. Ouais, mais chaque année, il se fait prendre cet abruti, mais bon, après. Et qu'avez-vous de bonbons qui augmentent, qui régénèrent votre vie de mana de 2 ou 4%? Bon, ça reste pas très longtemps, je crois, après, mais c'est toujours intéressant d'avoir ça, justement, après un wipe ou quoi, après un raid, pour récupérer rapidement sa vie ou sa mana. Bon, voilà pour le voile d'hiver. T'as autre chose à rajouter? Ben, soyez... vivez un petit peu à la mode, peut-être pas forcément roleplay, mais soyez sympa avec les gens, offrez des petits cadeaux. Bon, allez les jeunes, je vous rends votre qualité de son. C'était marrant un moment, mais pour nos auditeurs, il vaut mieux avoir une bonne qualité. Allez, à ciao, à l'année prochaine. Donc on va principalement vous parler un peu de nos retours de patch 3.3, également un peu de tout ce qui est arrivé autour de World of Warcraft ces derniers temps. Bon, faut dire que depuis la sortie du patch 3.3, il n'y a pas grand chose comme nouvelle autour de World of Warcraft. C'est surtout maintenant de la correction de bugs, forcément, ce qui s'ensuit après chaque gros patch. On va chacun prendre la parole pour dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé dans le patch 3.3. Et on va un peu parler des petites news par-ci par-là qui sont sorties. Alors, niveau patch 3.3, qui c'est qui veut commencer à donner son impression? Circle. Ah là, ça fait balancer au tigre. Bah, vous donnerez vos impressions de patch 3.3 niveau leveling et recharge de groupe, peut-être pour les bas levels. Moi, je vais donner mon impression niveau 80. Ouais, c'est vrai que. On a un peu joué à des niveaux différents, donc c'est vrai que Circle, toi, t'as joué niveau 80, Amandine aussi, et JP et moi, on est plus au niveau 70, donc ça nous permet de voir un peu les deux côtés, justement, ça qui est intéressant. Je pense que vous, il y a plus un attrait dont vous parlerez par rapport aux recherches de groupe. Moi, c'est plus par rapport donc à la nouvelle instance ICC, donc Icecrown Citadel, Citadel de glace. Pour ce qui est du contenu général, ben l'ajout de pas mal de pièces. D'après ce que j'avais remarqué, il y a beaucoup de nouveaux loot, beaucoup de nouvelles pièces, l'obtention des nouveaux emblèmes, comme on avait dit dans l'épisode précédent, des emblèmes de triomphe qui se fait beaucoup plus facilement. Pour ce qui est de la recherche de groupe niveau 80, ben, c'est vrai que c'est assez énorme. Donc ça se fait beaucoup plus facilement. C'est vrai que maintenant, je vais dire un petit peu le j'aime pas. Hein. Le j'aime, ben, c'est clair qu'on a besoin, il nous manque quelques emblèmes de triomphe. Ben, on fait 2-3 instances, c'est vrai que c'est très rapide. Même pour les DPS, quand on recherche un groupe, je crois que le maximum que j'ai attendu, c'est 10 minutes. Et encore, c'était dans une période de faible affluence de joueurs. Donc on arrive, on s'inscrit donc pour cette recherche de groupe, c'est soit ce que je vous conseille de faire, donc recherche de groupe d'instances aléatoires, comme par hasard, la première que j'ai eue, c'est l'Oculus. Alors, j'ai eu peur au début, je me suis dit, ce qui arrivait à des amis, c'est que la moitié se barre parce qu'ils n'ont pas envie de faire l'Oculus. Mais en fait, non, on l'a fait. On a même réalisé le ouf fait dans l'Oculus, donc de buter Regos 20 minutes après avoir descendu le premier boss. Donc, ça nous a fait des emblèmes. Et en plus, donc, on se rend compte qu'une fois par jour, la première quête qu'on fait de recherche de groupe aléatoire nous donne aussi en récompense deux emblèmes de givre. En faisant rien que ça, plus la citadelle de glace, je suis déjà à 34 emblèmes de givre, donc sans vraiment me forcer, voilà. Ça monte très vite. Après, je dirais que la plupart du temps, on tombe sur des groupes sympas, on se dit bonjour, donc on arrive juste au côté j'aime pas par rapport à la recherche de groupe, parce qu'on se retrouve un petit peu dans un format instance supermarché. Donc on va, on essaie de poutrer le plus rapidement. Je suis tombé sur des gars qui ne laissent même pas le temps de régénérer mana, qui veulent absolument faire ça le plus vite possible. Ça dénature un petit peu le côté jeu, quoi. C'est un petit peu supermarché, on vient vite là pour faire nos emblèmes, on se barre, on va vite chercher un autre groupe, on dit salut salut, après on se cause plus. Ça a amené une fois, je crois, un kick de groupe parce que la personne elle avait pas trop compris qu'on était des joueurs, qu'on n'était pas des bots. Mais c'est juste ce côté-là un petit peu qui m'a un petit peu dérangé, parce que on était entre nous, ça va, parce qu'on est sur TS, TeamSpeak, on discute. Mais si on arrive dans un groupe où on connaît personne, les gens des fois ont l'impression qu'ils s'en ont rien à fiche, quoi. Mais bon, sinon voilà, bien content de ce côté-là. C'est vrai que s'il nous manque une pièce niveau 232 ou 245, ou il nous manque les emblèmes pour, ben c'est très vite réglé, hein. Encore cette nuit, j'ai fait, il me manquait un casque niveau 245, ben, j'ai fait vite 2-3 instances pour récupérer les emblèmes et c'est bon. Après, j'en viens sur mon impression au niveau de la citadelle de la couronne de glace 10, donc le raid de la citadelle de glace niveau 10 en mode normal. Donc Gargamel, premier boss, c'est un boss que j'ai bien apprécié. On va dire que c'est un boss qui a des techniques déjà connues, un mix de Léotéras et d'autres boss au niveau du style de combat. Mais il est double ? Non du tout, mais il fait des toupies dans le raid de façon aléatoire. Sinon c'est un combat assez sympathique parce que ça bouge, c'est pas statique, il faut faire des focus, etc. Les heals doivent bien bouger, tout le monde doit bien bouger. Mais sinon c'est répétitif, trois petites choses importantes qui succèdent et on le tombe assez facilement. Ça donne des bons petits loots. Bien sûr, battre contre ce boss duquel on avait parlé au niveau du skin qui est assez joli, c'est agréable. Ensuite, on est parti sur Dame Murmomor, qui ressemble plus à un Monsieur Murmomor qu'à une dame. Je sais pas, c'est une espèce de liche. Ça doit être la femme à qui le tusage, je sais pas. Monsieur Dame. Voilà. Ou une travestie. Alors, nous, on y est allé en faisant du no spoil, c'est-à-dire qu'on n'a pas lu de strat. Hein. On est allé directement dessus comme ça. Et c'est vrai que c'est au début, on était là, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'au début, elle se chargeait avec un bouclier de mana. Et on pouvait donc pas la taper, enfin on lui faisait pas de dégâts, on lui pompait simplement normalement un petit peu sa mana quand on lui tapait dessus au lieu de sa vie. Et en fait elle fait popper des ads dans la salle qu'il faut. C'est des vagues d'ads, c'est un petit peu comme Note le porte-peste si je me trompe pas, c'est sympathique. Ensuite, une fois qu'on a passé la phase 1, phase 2 très facile, on la tombe très rapidement. Et on en est venu donc au dernier combat, que nous on a fait, c'est-à-dire l'event vaisseau, le Mâteau d'Orgrim contre le Brise-Ciel. Donc c'est un petit peu un combat pseudo PVP avec des canons. Vaisseau contre vaisseau en l'air. Alors ça, j'ai vraiment bien apprécié. Je trouve que c'est assez novateur et on a mis quand même quelques travails pour comprendre et ensuite ça a été assez facile aussi. Donc on en vient donc à, somme toute, c'est des combats assez faciles, même en no spoil. Donc si vous voulez lire la strat, faites-le, mais ça va que vous donner l'impression que c'est encore plus facile et que blablabli blablabla. Mais faites-le en no spoil. C'est franchement sympathique comme combat, ça tombe des beaux loots. Moi j'ai vraiment eu de la chance parce que sur un raid, 3 boss, j'ai tombé 3 loots. Des pièces de très bon niveau, je crois 251 en raid 10, qui sont donc de très bonne qualité. Ensuite il y a aussi une réputation qu'on monte à l'intérieur, qui est le verdict des cendres, qui nous donne au niveau amical. Donc le premier niveau après neutre, donc je pense que vous faites deux fois les 3 boss, ou que vous faites plusieurs tries, donc en tombant des packs de mobs, vous arrivez assez rapidement à Mikal, qui vous donne directement accès à des items, dont une bague un petit peu à la mode de Karazhan, c'est-à-dire des bagues évolutives. Quand vous êtes à Mikal, vous avez une bague qui est niveau 251 déjà. pour chaque classe. Et c'est vraiment super bague, très bonne stat. Et ensuite, donc après, vous pouvez l'échanger à chaque fois que vous augmentez votre réputation. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Ça promet du bon, ça promet un bon raid. On en est qu'au début, on a fait le mode facile. Moi, je suis content qu'ils aient remis justement ce système de réputation lié au raid. Ça manquait un peu dans l'extension, je trouve, dans le Northrendre. Et l'idée qu'ils avaient apportée avec Karazhan par rapport au bac qui augmentait avec la réputation, je trouvais ça bien, justement. Ouais. Non, c'est pratique parce que ça nous est... Disons qu'on n'est pas obligé d'à chaque fois changer avec des emblèmes. Parce que souvent, on prenait une bague avec des emblèmes, direct après, on lootait une bague juste un peu mieux ou là, quasiment pareil, puis ça nous avait fait perdre des emblèmes pour rien. Mais sinon, voilà, par rapport aux instances, voilà, c'est un petit peu mon aperçu de la chose. Je vous tiendrai au courant peut-être si on tombe d'autres boss, mais on avance pépère. C'est assez accessible pour tout le monde, mais il faut quand même avoir un bon tank, un bon raid en général. Et au niveau des instances A5, les trois nouvelles instances A5, pour les instances A5, Amandine, tu les as faites, les instances A5 ou pas? Pour l'instant, je ne les ai pas beaucoup faites. C'est-à-dire que je connais juste le nom des instances que je les ai faites en tant qu'il est en DPS, mais je crois que je les ai faites deux fois chacune. Et je ne saurais même pas dire laquelle est la fosse de Sauron et laquelle est la forge des âmes. Par contre, la salle des reflets, c'est sport. Hein. Franchement, j'ai adoré. C'est trop, trop bien. Franchement, je trouve qu'il y a une bonne difficulté et tout. À chaque fois, il y a des gens qui crèvent dans le groupe. Et t'es vraiment obligé d'y aller à fond de mana, de faire ton taf. Quoi. Je veux dire, si t'es assist heal, si, quand j'y suis allée en prêtre ombre et que le soigneur est mort, il a fallu que je repasse en soin super vite pour attraper le coup et tout. Je veux dire, tu t'endors pas sur ton DPS, tu fais pas le poteau, quoi. Bah, c'est une instance à 5, mais qui est d'une difficulté de raid quasiment des raids précédents. Parce que c'est. En tout cas, même en normal, on en a des fois, on a eu un peu peur. Je dis juste donc, que ça se passe comme ça. Hein, donc, au début, ça commence par la Forge des âmes. Ensuite, on peut directement aller sur la fosse de Sauron, puis la salle des reflets. Donc, c'est trois instances qui se suivent. Et c'est un petit peu un event si on regarde. Hein. Si, Amandine, c'est juste, hein, ça se termine par. Petite rencontre avec le roi Lich, je crois qui est fort sympathique. Pendant tout ce temps-là, on est accompagné par Sylvanas, c'est très sympa. Ou Jaina pour Vaillant, pour les Allianceux. Mais c'est pas un spoil parce qu'elle est là dès le début de l'instance. En fait, vu qu'on rappelle que les deux ont une histoire assez liée avec Arthas, hein, donc le roi Lich, les deux vont un petit peu pour se venger, vont nous aider. Et c'est vrai que quand on arrive dans la troisième partie de l'instance, c'est-à-dire la salle des reflets, on arrive directement dans un lieu où il y a Deuil-Givre qui est là, Frostmourne pour les anglophones. Et c'est vrai que c'est déjà c'est assez impressionnant de directement arriver, voir Frostmourne comme ça. Et ça s'enchaîne sur une fin où on se fait poursuivre par le roi Lich. D'ailleurs, il y a beaucoup de hauts feux. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans ces nouvelles instances. Il y en a deux ou trois par instance. Et à un moment, il y a une espèce de course-poursuite. C'est super sympathique. Et il y a un haut fait de rapidité là-dessus. Et c'est encore plus fun avec la difficulté d'essayer de faire le haut fait, même si on n'y arrive pas. Je veux dire, déjà que l'instance est dure. Enfin bon, j'ai eu le haut fait, donc ce n'est pas infaisable. Mais c'est vachement plus drôle d'essayer de le faire. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quand vous dites que l'instance est dure, vous avez quoi comme équipement? Personnellement, j'ai l'équipement 232 et 245. Ouais, mais en termes de raid, ça correspond à quoi? Ça équivaut à du T9. T9 et T9 25. Donc, voilà, c'est ça. EDC. Voilà, EDC, EDC 10 et EDC 25. Voilà, la totale EDC, sauf le torse et les épaulières, pour ma part, et la pièce de tête en 245. Voilà, donc d'accord. Pour dire quelqu'un qui arrive même en normal, oui, on peut y aller avec du stuff à peut-être un petit peu moins fort pour les DPS, mais au niveau tank, pour certains boss, il faut pas. C'est évolutif, hein, c'est pas une instance qu'on peut faire dès qu'on arrive 80, ça c'est clair. Je pense que ça sera beaucoup trop dur au niveau de la longévité, de ce que ce soit de la durée de la mana ou de la vie. Et même au niveau de l'effectif DPS, hein, c'est bête à dire, mais je pense que si on a un effectif DPS d'à peine 80 qui dépasse par les 1005, moi j'ai vu qu'avec certains groupes, je faisais plus de 50% du DPS tout seul. On avait du mal, hein. On avait du mal, ouais, sur même certains packs. C'est vrai que on a eu un chasseur qui faisait 1700 de DPS. Bah écoute, c'est pas cool pour lui, mais on a fini par lui dire désolé, mais on va prendre quelqu'un d'autre, hein, parce que c'était complètement impossible. Voilà. En fait, moi, c'était justement mon inquiétude, parce que si on regarde par exemple ce que lâchent les boss en termes d'objets, c'est que de l'épique en fait, il n'y a pas de bleu, c'est cache de l'épique et c'est du bon épique. Je me disais, si quelqu'un arrive niveau 80 cache et qu'il enchaîne toutes les instances, il n'a pas besoin de se taper les anciennes. Mais il n'a pas la possibilité normalement d'avoir accès à ces instances s'il n'a pas le niveau d'équipement requis et il n'a pas accès au deuxième ou au troisième s'il n'a pas fait la première. Voilà, de toute façon il faut très faire bien. Dans l'ordre première, deuxième, troisième. Déjà, vaut mieux la faire normale, je crois que la quête est pareille. Et ensuite, on peut faire vaut mieux faire l'héroïque ensuite parce que l'héroïque donne des très très bonnes pièces. Mais voilà, elle est beaucoup plus dure. C'est pour ça que je me suis permis de virer le pauvre chasseur, parce que je me suis dit que vu qu'il y a des restrictions de niveau, on va dire, d'équipement, s'il faisait 1700 de DPS, c'était quand même qu'il était en train de faire autre chose en même temps, quoi. Oui, bon, en même temps, niveau 80, 1700 de DPS, voilà, quoi. C'est soit il n'était pas capé touché, soit en même temps qu'il jouait, il regardait Scrubs. Hein. Donc, en gros, ça fonctionne comme pour les grottes du temps, dans le sens où il faut faire la première, ensuite, une fois que tu as terminé la première, tu penches sur la deuxième, etc. Exactement. D'ailleurs, c'est vrai que c'est très semblable aux grottes du temps, maintenant que tu le dis, au niveau du timing, etc. Mm-hmm. Même s'il n'y a pas de chrono, il y a des poursuites et tout, c'est serré dans le temps, quoi. Et puis, les instances sont jolies. Moi, j'aime bien déjà rien que la première, en fait, si je ne me trompe pas, où il faut libérer les prisonniers, il y a les quêtes dedans, où il y a un énorme crâne, un espèce de grosse statue de crâne qui flotte dans un cratère. Là, visuellement parlant, ils ont bien réussi leur coup aussi. C'est bien travaillé, même pour des instances A5, c'est bien travaillé. Contrairement à certaines instances A5, où je trouvais que bon, le style graphique était très, très morne, quoi. Bon, ok pour les instances. Au niveau des emblèmes de givre, qu'est-ce que vous avez à dire dessus ? Équipement parlant, je ne reviendrai pas sur la gueule des équipements, qui pour moi, voilà, certains sont vraiment pas jolis du tout. Si je ne me trompe pas, il y a 3 paliers d'équipement, c'est ça ? Hein, y a un palier d'équipement qu'on a juste avec les emblèmes, où il faut beaucoup plus d'emblèmes. Hein. Je crois que c'est 75 et 95 emblèmes. 95, ouais, pour les pièces importantes. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième avec les emblèmes plus un trophée. Et le troisième palier, c'est l'équipement que vous aviez à ce moment-là, qui est déjà niveau élevé, donc plus encore un trophée, ou un item, un token, je crois, qui est là, bon, donc les stats, c'est juste phénoménal. Hein, je veux dire, je pense qu'un gars full T10, dernier palier, ce sera juste mortel. Hein. Je pense que le gars, il va pouvoir s'amuser en instance sans s'embêter, il retournera, il solotera les instances tout seul. Moi, j'ai remarqué que dans les hors-sets, parce que j'ai beaucoup voir les hors-sets, parce que j'étais pas très satisfaite du T9 pour prêtre et pas la tank. Et je suis allée voir le hors-set givre. Alors, je suis super contente de voir que déjà, ils nous ont mis des bijoux qui sont utiles. Parce que je sais pas vous, mais moi, les bijoux qu'ils nous avaient mis pour les emblèmes de triomphe, ils étaient pourris, j'en ai pas pris un seul. C'était soit des objets à utiliser, je suis pas très fan des objets à utiliser, avec des données en toucher énormes qui me faisaient dépasser complètement le cap. Ou alors des procs point naze, quoi. Et là, c'est vraiment des super bijoux avec des bonus intéressants et utiles, quoi. Ouais, ça change. C'est vrai que c'est par palier. Certains, les paliers T9, il y avait des bijoux beaucoup avec du toucher, parce que moi, pareil, hein, j'ai pris donc un bijou T9 contre emblème qui m'a augmenté mon toucher, qui m'a surélevé mon toucher, on va dire. Maintenant, je suis overcapé, mais vraiment de beaucoup. Bon, moi, j'utilise beaucoup, j'aime bien utiliser les bijoux parce que ça, justement, ça me permet de pouvoir faire quand je veux, contrôler en guillemets mon DPS ou mon burst quand je veux. Mais je pense que à l'heure actuelle, ouais, les bijoux qui sont disponibles en hors-set, même les pièces hors-set, elles sont fantastiques, quoi. Maintenant, ça coûte quand même très cher en emblème de givre, sachant que pour l'instant, les emblèmes de givre, c'est que en quête de raid qu'on peut les avoir. Bon, 5 emblèmes de givre par quête de raid, 2 emblèmes par jour, ça monte quand même assez vite, hein. Donc, mais je veux dire, voilà, il faudra, je pense, au début choisir entre les bijoux et garder un bonus de 7 T9, soit essayer de commencer à prendre le 7 T9, T10 lui-même. Voilà, mais sinon, ouais, les pièces sont. C'est vraiment un niveau au-dessus. Ah, sachant que j'ai aussi vu des superbes bijoux tomber par exemple à la fosse de Sarmon, il y en a aussi dans les instances. Ouais, voilà. Moi j'attends de voir les patrons maintenant pour les métiers qui vont tomber. Oh oui, oui, oui. Voilà. Donc c'était le quart d'heure qui coule, maintenant stuff. Le patch 3.3 c'était déjà un gros patch. Je me demande si c'était pas le plus gros patch de contenu qu'ils aient ajouté jusqu'à présent. Celui d'Uldur était balèze quand même. Ouais, celui de Kel'Danas aussi. Hein. J'ai l'impression que maintenant c'est de plus en plus gros les patchs en fait qui nous collent. Bon, c'est pas plus mal, au contraire, hein, je suis pas en train de me plaindre, justement c'est bien, je trouve. Ah oui, il y a aussi le Quest Helper maintenant. Eh ben, écoute, au début je crachais dessus parce que je trouvais que ça allait être complètement naze. Mais comme finalement il t'ouvre la carte et qu'à droite il t'ouvre tes objectifs, qui peut te les mettre au milieu et qu'en dessous tu peux quand même lire la quête, et qu'elle est affichée bien clairement en plus. Moi, finalement, je suis très très fan de ce truc-là. Bah, surtout pour vous, bah, justement pour ceux qui faites du leveling, donc JP et Ludo, je pense que c'est assez pratique pour vous. Alors, vous avez peut-être pas envie de vous embêter, quoi. Par rapport à ça, je disais dans le précédent podcast, je ne l'utiliserai absolument pas. Le nouveau Quest Helper. C'est bizarre, c'est parce que tu m'as sorti. D'avis. Mais finalement... À toi aussi, t'as été conquis. Bah alors par contre, une chose, c'est très important, c'est oui, je l'utilise, mais je lis toujours mes quêtes. En fait, je lis la quête en entier, le début, la fin, et je me fais pas chier, en fait. Après, je regarde la carte, je dis, tiens, faut pas aller là, j'ai au point. Après, je fais tout ce qu'il y a à faire, donc oui, j'ai putain, ça marche pas cette quête. Je regarde, je dis, ah ouais, il fallait faire ça, en fait. Non, c'est vrai que c'est très pratique, en fait. Mais je perds pas de vue le fait qu'il faut lire les quêtes, c'est toujours très intéressant, les quêtes, surtout que là, je suis en Orphandre, et c'est les meilleures quêtes du jeu pour moi. Et toi, JP? Qu'est-ce que t'en penses, vu que toi t'es aussi en phase de leveling? Disons que moi j'étais sur Carbonite Quest à la 3.2, donc je suis toujours sur Carbonite Quest à la 3.3. J'ai même pas vu à quoi ressemblait le dernier truc de Blizzard, là, le Quest Helper intégré. Vu que Carbonite met une carte intégrée avec très très bien fait niveau graphique, qui ressemble un peu à Cartographeur qu'on a en logiciel... tiers autre que World of Warcraft, et bon, peut-être que j'essaierai, on sait jamais. Je lis les quêtes maintenant, bah, vu que je suis en Orphandre, même si je les lis la plupart du temps, et j'utilise Carbonic Quest pour essayer d'aller le plus vite possible quand même, parce que bon, ça commence à devenir un peu casse-pied de pas être avec mes copains level 80. Voilà, donc je me dépêche et enfin, je me dépêche, je prends mon temps quand même, hein, pour voir un peu les nouvelles instances pour moi. Sur le patch 3.3, je voudrais revenir encore une chose. Il y a un truc dont vous n'avez pas parlé justement par rapport à la recherche de groupe. Quand on s'inscrit dans la recherche de groupe, on a donc deux choses. D'une part, ça nous permet d'accomplir le haut fait, qui est de 10, 50 et 100 personnes, je crois, donc groupé avec... Ouais. 10, 50 ou 100 personnes différentes, voilà, en héroïque uniquement. Et en plus, la quête journalière, c'est un donjon aléatoire. Alors bon, pour niveau 80, bon, c'est bien, ce rapport des emblèmes. Moi, ce qui m'a surpris, c'est dès niveau 70, dès qu'on s'inscrit en instance aléatoire, on gagne des emblèmes de triomphe. Donc, ouais. Deux par jour. Ouais, ouais. Et tu te dis les emblèmes de triomphe, quand Circle me dit que c'est du niveau T9, je fais waouh, ça fait peur quand même. Bah, je pense qu'ils font ça, pourquoi ? Parce que si vous arrivez 80, admettons, dans une semaine, et que voilà, la citadelle de glace est déjà sortie, ils ont envie peut-être qu'il y ait plus de monde qui puisse aller faire cette instance, donc peut-être pas forcément oublier les autres instances, mais le problème c'est que si vous devez tout repasser par rechercher des raids, parce que vous êtes obligé de passer pour des raids pour stuffer T7, T8, T9, vous ne mettrez jamais un pied à la citadelle, surtout que la citadelle demande donc un stuff minimum T9 pour y aller. Ouais, c'est sûr. En donc, même temps, pour rentrer dans des guilds aussi, c'est mieux par rapport au recrutement si vous avez un bon équipement. C'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus drastique en fait, pour rentrer. Les conditions sont un peu énormes. J'avoue, c'est... Ouais, si on n'est pas en T9, limite... une petite chose pour finir par rapport au patch 3.3 et la recherche de groupe. Ce qui est bien, bon, justement, je vous rejoins dans le sens que j'aime beaucoup et effectivement, ça permet de faire des groupes plus rapidement. Par contre, ce que j'aime moins, c'est quand on trouve des gens intéressants d'autres, enfin du même corps de bataille, mais hors de notre serveur, et bien pour les retrouver, ben c'est pas possible en fait. Par exemple, je suis tombé hier sur un super groupe en fait, avec un bon soigneur et de bons DPS. On a passé une soirée à faire des donjons, environ 4-5 heures. Et en fait, on aimerait continuer à faire des donjons ensemble parce qu'on sait comment on joue maintenant, on a pris une habitude, mais on peut pas. Pour ça, il faut qu'on migre tous sur le même serveur. Donc, c'est un peu dommage en fait qu'il n'y ait peut-être pas une fonction de recherche ou de choses comme ça en fait pour qu'on puisse retrouver les mêmes joueurs. Le seul truc que je sais, c'est que si tu mets quelqu'un dans ta blacklist, tu ne tomberas plus sur cette personne. Ah, ça c'est bien. Oui, mais ça c'est le bonheur. Par contre, la blacklist a été étendue à 50 personnes, mais 50 personnes sur tout un corps de bataille, je trouve que ça fait quand même. Bah, moi, la 3.3, je suis vachement satisfaite de ce qui est sorti. J'avais un peu d'appréhension vis-à-vis de l'acquisition du stuff, vis-à-vis du nouveau Quest Helper, etc. Mais franchement, ça a redonné un intérêt au jeu. Puis avec le voile d'hiver en même temps, moi, je m'éclate. J'arrête plus là. C'est ce qui ressort des forums aussi également. C'est trop bien. C'est ce qui ressort dans les forums aussi. La majorité des joueurs ont beaucoup aimé le patch 3.3. Puis même nous aussi, on trouve que c'est un très bon patch. La plupart des gens ont trouvé que ça devait être pas loin la meilleure mise à jour qu'a fait Blizzard depuis longtemps. Là, pour le coup, je vois rien à redire. D'habitude, j'avais quand même un peu de ouin-ouin. Si, il y a un truc, c'est le bug dont justement, tu avais parlé, je crois, sur le, Le forum, c'est justement le bug tout pourri des mobs qui se foutent derrière toi quand t'es en tank. Alors ah oui, ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est indépendant juste... de leur volonté, mais ce bug, quand tu tankes, c'est atroce. Tu prends un pack de 10, t'en as au maximum 7 devant et au minimum 3 derrière. Ouais, j'avoue, c'est assez gênant, en fait. Bon, sinon, dans les autres nouvelles autour de World of Warcraft, différentes petites news par-ci, par-là. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre, hein. On a appris il y a quelques jours que l'armurerie de Blizzard sur iPhone avait été mise à jour. Donc là, c'est principalement pour les utilisateurs de l'armurerie. Tous les possesseurs d'iPhone qui utilisaient l'armurerie, ben, allez la mettre à jour. Parce que c'est, d'une part, c'est gratuit. D'une part, il y a quelques modifications qui ont été faites au niveau du code. Donc c'est un peu plus rapide. Ils ont rajouté le fait de rechercher un équipement supérieur à ce qu'on porte. Donc, par exemple, on porte un casque bleu. Ben, on clique sur le bouton, voir ce qu'il y a de mieux. Quelque pour chose avoir comme un ça. Casque rouge. Voilà, pour avoir un casque violet par exemple, et là on parcourt la base de données pour voir qu'est-ce qu'il y a de mieux. Au niveau de l'armurerie, toujours là c'est plus côté web, il y a des mises à jour qui vont en venir. Alors on n'a pas de date encore, mais ce qui va arriver en gros, ce sera la visualisation du modèle en 3D. Donc là en fait, c'est pouvoir voir votre personnage en 3D, donc comment il est équipé, le stuff qu'il a sur lui, l'équipement, voir à quoi il ressemble. Alors je sais pas si ça marchera pour l'équipement, par exemple pour un objet qui est en dans la base de données qui n'est pas équipée actuellement sur nous. Mais connaissant Blizzard, à mon avis, peut-être qu'ils vont faire un petit truc comme ça. Ça pourrait être sympa. Un peu plus d'informations sur l'activité du personnage. Donc là, en fait, ça va rapporter sur l'armurerie les récents événements qui sont arrivés dans la vie du personnage. Donc par exemple, ça inclut les hauts faits, les boss qu'on tue, les objets qu'on acquiert, et d'autres choses également. Donc certaines personnes ne vont pas forcément aimer, parce qu'ils vont dire que ça va être du flicage. Moi perso, je vois pas ce qu'on a à cacher, honnêtement. C'est un jeu quoi. Ça c'est sûr, hein. je vois pas ce qu'il y a de confidentiel là-dedans, ce que vous ayez un équipement bleu ou violet, bon, à part pour le recrutement de guild. Il y aura également d'autres informations sur le calendrier du joueur. Donc en fait, c'est un nouvel outil qu'ils vont intégrer à l'armurerie. Ça permettra en fait d'exporter les données de son propre calendrier vers Outlook ou Google Calendar par exemple. Donc ça c'est pas mal, c'est peut-être pour synchroniser éventuellement vos agendas. Donc comme ça, quand vous avez quelque chose en jeu, bah, ça va synchroniser directement sur votre Google Agenda. Vous recevrez ensuite une alerte. Et également les profils des personnages, a priori, ce sera entièrement redessiné. Enfin entièrement, ce sera redesigné plutôt. Il y aura également d'autres quelques petites fonctionnalités en plus pour que ce soit un peu plus clair. Donc ça on sait pas quand ça viendra, mais a priori ça promet pas mal de choses intéressantes. D'autant plus que l'armurerie, je trouve que c'est vraiment intéressant pour son personnage, pour voir un peu ce qu'il y a de... Ensuite, pour tous les utilisateurs d'Authenticator, donc vous savez, c'est le petit boîtier qui vous permet de rentrer le code après avoir tapé votre mot de passe. Ça ajoute une sécurité supplémentaire sur votre compte. Donc pour tous les utilisateurs de ce type d'objet, vous allez recevoir en jeu, ou vous avez déjà reçu normalement, le chiot de magma. Donc ça, justement, c'est une petite campagne qu'a lancé Blizzard pour inciter les joueurs à se prémunir contre le piratage. Donc vous avez deux solutions, soit vous l'achetez directement dans la boutique Blizzard. Pour l'occasion, le prix a baissé justement. Je crois qu'il est passé à 6 ou 7 euros frais de port inclus. Parce qu'avant, c'était 6 euros le boîtier plus 6 euros ou 15 euros de frais de port. Donc, c'est un peu... J'avoue qu'à ce prix-là, j'ai craqué, moi. 7 euros frais de port compris, ça va, ça le fait. Voilà. Sinon, si vous avez avec un skin particulier en plus. En plus. Aux couleurs du chiot du magma. Ouais. Sinon, si vous avez un iPhone, l'application est gratuite et vous pouvez la télécharger sur l'App Store. Et si vous avez un autre téléphone de... type, je crois que c'est Android, Symbian et d'autres systèmes d'exploitation sauf Windows Mobile, vous pouvez l'acquérir pour moins d'un euro. Donc c'est lié directement à votre téléphone et vous pouvez avec ça également récupérer le chiot de magma sur tous vos persos. Et à partir du moment où vous retirez l'authenticateur de votre compte, vous le déliez, le familier disparaît de votre collection de familiers. Donc c'est une petite info, mais c'est pas plus mal. Le mois de novembre, c'était également l'occasion de fêter le 5e anniversaire de World of Warcraft. Et pour l'occasion, Blizzard organise une grande manifestation qui vous incite à envoyer votre photo à Blizzard avec le logo de l'Alliance ou de la Horde. Et ça va en fait alimenter une mosaïque. En fait. Voilà. Oui. Donc ils en sont actuellement à 4000 photos. Leur objectif, je crois, c'est dans les 25 000, ou un truc comme ça. 20 000. Alors si vous regardez bien, en fait, la mosaïque a actuellement commencé. C'est différents carrés en fait qui sont en train d'apparaître en fonction des photos qu'ils reçoivent. Et si vous regardez bien, en fait, ça va faire un dessin géant à la fin. Et quand vous agrandissez la mosaïque, en fait, vous voyez les photos des personnes qui ont envoyé. C'est pour ça que je le fais pas, moi, par exemple. Bah, disons que c'est tout le monde, en fait. Hein. C'est pas que la France, c'est pas que l'Europe, c'est tout le monde, en général. Est-ce que vous avez envoyé vos photos, vous, ou pas? Alors, plutôt crevé. Non, Circle non plus. Ouais, donc je l'ai pas encore fait, mais je compte personnellement le faire. Peut-être qu'on pourrait faire un truc Otaku, ce serait sympa. Et si à la rigueur, ben, les membres de la communauté forum comptent le faire, ben, qu'ils nous en fassent part, je sais pas, peut-être même nous linker leurs photos sur le forum. C'est avec plaisir qu'on les regardera. On les affichera en poster dans notre chambre. Ouais. Ouais. Ça sera mon nouveau papier peint. Okay. Tous les auditeurs de Otaku avec les petits symboles Horde ou Alliance. Ça, on fera le logo Otaku en mosaïque. T'sais. Ouais. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de filles qui l'avaient fait, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, et qu'en plus elles posaient genre belle gosse et tout. Genre, t'es. Donc, non, si, c'est vrai, elles sont très très belles. Moi aussi, j'ai le genre beau gosse. Il faut aller voir la mosaïque juste pour regarder les filles qui se la pètent. En tout cas, je me languis de voir la finalité parce que ça a l'air vraiment vraiment sympa. Autre petite news qui est importante et pas des moindres, c'est au niveau du patch 3.3 et de Cataclysme. Donc jusqu'à présent, Blizzard nous avait dit qu'après le patch 3.3, s'en suivrait la sortie de Cataclysme. Or, a priori, ils seraient un peu revenus sur leur décision. Et Tom Chilton, dans une interview, nous disait, en fait, enfin, bon, pas nous l'interview, c'est qu'il a donné un magazine, qu'il aurait effectivement, il y aurait de très fortes chances, même pour qu'il y ait un patch intermédiaire, donc un patch type 3.4, par exemple, d'ici la sortie de Cataclysme. Bon, bien entendu, on n'a aucune info là-dessus. On ne sait pas non plus si ça va être sûr à 100%, mais a priori, c'est dans les cartons. Donc on en saura plus d'ici un mois, je pense. En ce moment, au début de l'année, oui. Ouais. Et pour terminer cette partie news, il y a eu une interview de Samwise Didier qui est... Sam O'War. C'est qui ? Sam O'War. C'est son nickname. Bah, si vous ne connaissez pas Samwise Didier, c'est un des designers de Blizzard. C'est aussi le designer et l'inventeur, le concepteur du Panda Ren. En fait, cette interview n'apporte rien de particulier au jeu, si ce n'est, en fait, ça nous explique comment est arrivé le Panda Ren, qu'à la base, en fait, c'était sorti de son esprit et que ça a été proposé aux joueurs en tant que poisson d'avril. Et les joueurs ont tellement apprécié ça, en fait, quand on leur a dit que c'était un poisson d'avril, c'était tellement déçu qu'ils se sont dit, bon, peut-être qu'on va essayer de faire quelque chose avec. Et ils les ont intégrés justement dans Warcraft 3, l'extension, c'est The Frozen Throne. Ça n'apporte rien de particulier au jeu, mais c'est toujours sympa de voir en fait comment les développeurs ont amené l'idée. Et moi, j'aimerais bien un jour que la race Pandaren arrive pour de bon dans World of Warcraft, parce que mine de rien, ils sont super beaux. Ouais, en espérant qu'ils viennent dans la Horde, hein, pas dans les péteux de l'Alliance. Et également dans l'interview, il explique comment il s'y est pris un peu pour réaliser la grande statuette en édition collector du Pandaren, qu'on peut trouver actuellement un peu chez tous les bons marchands. De journaux. Voilà. Bon, et sinon après, c'est plein de petites news, de corrections de bugs, donc là c'est pratiquement tous les jours, tous les deux jours, il y a 3 ou 4 bugs qui sont corrigés. Ils sont assez actifs, hein, les développeurs là-dessus, pour corriger les bugs le plus rapidement possible. Donc voilà. Rien de plus pour ce mois-ci. Par rapport au concours qu'on avait organisé le mois dernier sur le logo et sur le jingle sur Wotaku, donc si vous avez suivi le site et Twitter, vous avez peut-être dû voir passer la news sur le fait qu'on a décidé en fait de prolonger la date de participation. Donc au lieu d'arrêter le concours au 13 décembre, on l'a prolongé jusqu'au 31 décembre à 23h59. Parce que tout simplement, on a reçu pas mal de courriers de nos auditeurs nous disant que le temps était un peu trop court. En 10 jours, c'était un peu trop short pour eux. Entre les révisions et le boulot, ils n'avaient pas forcément le temps pour justement faire un logo ou un jingle. Donc, il y a déjà des personnes qui ont participé, donc on les en remercie. Et pour justement donner un peu la chance à tout le monde, à tous nos auditeurs, bon, on s'est dit que ce serait mieux de prolonger un peu justement la durée pour que tout le monde puisse y participer. Alors bien sûr, au niveau des familiers, on aurait aimé vous les donner avant Noël, donc donner les gagnants par exemple pour l'épisode 9. Mais ce qu'on fera, c'est qu'on donnera les gagnants pour l'épisode 10. Donc ça retarde d'un petit mois en fait pour connaître les gagnants, mais en même temps comme ça, ça donnera une chance à tout le monde et on pourra voir un peu ce que tout le monde a fait. Voilà, et encore une autre toute petite news avant de passer à... au principal. Donc, je voulais juste signaler par rapport au forum, donc on a un membre du forum qui fait de la forge, il nous a montré des photos sur le forum d'outils, de pièces, de tables, je crois aussi de lampadaires qu'il a fait donc lui-même en forge. Donc j'aime bien le rapport avec Wo qu'il y a. Donc bah, lui il doit être 450 plus 10 en forge. Voilà, c'est Yeolo, bah, on le remercie pour ses photos, je trouve ça sympathique de faire ça IRL quoi. Donc, bravo à lui. Il y a même de belles petites créations de dagues aussi. Qui sont oui, voilà, une dague dag. Épique. Ouais. C'est vrai que c'est très sympa, des tables en fer forgé et tout, franchement très beau. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, c'est sur notre forum, on vous donnera le lien dans les notes de l'émission. Bon. Voilà. C'est moche ici. Tavernière. Ouais, j'ai une brune de tourne-neige, s'il vous plaît. Merci. Bon, bah, il est où? C'est là qu'il m'a donné rendez-vous, mais pour l'instant, je le vois pas. Bon, vous me direz, c'est un rogue, et puis il a l'air d'être un peu pleutre, mais bon. Ah. Comment ça, pleutre? Ah, salut! Retiens-moi lui. Tu es en retard, espèce de grand zarsouille de badabeux, là. Bah, c'est toi qui viens d'arriver, ou bien t'étais déjà là? Ah, non, j'étais à l'étage. Qu'est-ce que tu faisais? À l'étage, j'étais déjà en train de consommer quelques petites boissons. Ah, d'accord. Puis à l'étage, les boissons sont meilleures qu'ici, ou bien? Exactement. Il y a des coussins aussi. Ah d'accord, c'est ce genre de boisson que tu parles. Pas comme la taverne, enfin bon, c'est vrai que c'est moi qui ai donné rendez-vous là-bas, mais je l'aime bien. Taverne du nain qui cuit, ils sont bons. Ouais, taverne du nain qui cuit. C'est vrai que quand je suis arrivé là, j'ai dit cool, on va pouvoir bouffer du nain, mais visiblement non. C'est tenu par des nains en plus. Bon. Ah bon? Bah au bout, écoute, les tavernes en même temps, hein. Bon, on picole? Ouais, allez, bon tavernaire. C'est bien nous la même chose. Et toi, tu prends quoi? Je prends une petite sombre lune, histoire de continuer sur le classique. Ah, toujours les vraies valeurs. Tout à fait. Ah, c'est bien que tu sois là. Écoute, je vais profiter pour te poser quelques questions, mais tu m'as l'air un petit peu pressé. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, pour faire bref, encore des conneries d'ardoise de taverne ou de baston qui s'est passé. Enfin, j'en sais rien. J'ai encore des gars qui me coursent, quoi. Ouais, t'en as fait tellement que tu sais même plus pourquoi t'es poursuivi, quoi, c'est ça? Bah, c'est un peu ça, le problème. Bon, enfin, vite, effectivement. Hein. Si je savais contre qui je me battais, mais je sais même pas. Tu te diras s'il y a du monde qui arrive. Eh ben merci bien. Allez, on se lance dans l'interview, c'est parti. Alors voilà, si vous êtes des auditeurs de Wotaku ou que vous parcourez notre forum, vous avez dû déjà voir certains écrits un peu bizarres, comme on l'avait énoncé dans l'épisode 8, d'un gars qui parle un peu bizarrement et qui écrit des histoires, les chroniques de la Chopine et d'autres textes. Donc voilà, j'ai réussi à l'attraper. Il est là avec moi, donc Darwin Fugu, et ceci est son interview. Alors tout d'abord, on aimerait savoir qui se cache derrière tous ces textes déchaînés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de toi? Bien sûr. Avant tout, je vais dire bonjour à tous les auditeurs, parce que je t'ai salué, mais pas les autres. Donc bon, voilà, un petit peu de politesse, hein. Même si Darwin Fugu n'est pas trop. T'arrives à être poli, eh ben dis-toi. Eh ben ouais, tu vois. Donc, personnellement, je m'appelle Florent. Je pense que la plupart doivent commencer à le savoir, j'habite à Saint-Étienne. On verra peut-être plus tard pourquoi. Dans la vie, je suis professeur d'histoire géo. Je suis trentenaire. Et donc, bah voilà, l'histoire géo m'a poussé un petit peu vers une passion des histoires, de raconter des histoires, qu'elles soient burlesques, alambiquées ou autres, quoi. Voilà. D'autant plus que j'utilise pas mal le récit dans mes cours. Pour pouvoir essayer d'accrocher les élèves, capter leur attention. Et parfois, il faut bien ça, tu vois. Voilà, en gros. Bonne idée, ça, c'est une bonne idée. Et en jeu? Et dans le jeu? Et ben dans le jeu, j'incarne un vil voleur vicieux, comme j'aime à m'appeler, qui répond au doux et savoureux nom de Darwin Fugu. Je suis sur le serveur Vol'jin, donc un serveur PVE. Et puis voilà, donc la plupart m'appellent Dar, parce que c'est vrai que c'est un petit peu long. Je sais que Steven, notre grande MJ, avait dit que j'étais le voleur non imprononçable, mais bon, je suis pas sûr que ça soit si dur que ça. Enfin, oui, bon, on se rappellera de... Fougas, ce que tu veux. On se rappelle de Ludo, qui avait quand même du mal la première fois à prononcer, hein, Darwin, Chouflou, ou je sais pas quoi. Hein, ben c'est bon, lui, on voudra pas, de toute façon. Je crois que j'avais dû le reprendre, d'ailleurs, mais bon, c'est pas très grave. C'est normal, ça marche. Formaliste pas. Voilà. Bon, tout ça, ça nous amène donc à tes chroniques qui ont qui ont enseigné d'humour bien tranché les forums officiels. Tu as commencé il y a quelque temps déjà et je voulais juste savoir comment t'es venu l'idée de faire des récits de ton personnage. Ce qui m'a poussé à écrire, c'était l'envie de raconter des histoires drôles, bien déjantées, voire même carrément ubuesques des fois. Parce que ça me plaît, en fait, de raconter des histoires. Ça a été un petit peu mon boulot, donc j'aime bien les mettre sur papier. Surtout que j'aime bien faire rire les autres, au final. Ah bah, pour l'instant, c'est réussi, hein. Je pense ouais, que la bah lecture... c'est gentil. Ça va, non, la lecture, ça nous a assez marqué, moi personnellement aussi. Hein. Bon bah, tant mieux, c'était le but. C'est le but, c'était de faire sourire, je crois que j'avais dû mettre ça sur un forum une fois. Je les ai commencés il y a très longtemps, ces chroniques de la Chopine. Il me semble que ça devait être courant 2007. Début 2007, j'avais dû mettre des écrits juin, juillet 2007 sur les forums officiels. Et puis je me suis pris au jeu en fait. Et j'avais commencé dans ma première guilde à écrire. Donc c'était les Drunken Prophets, tu vois. Donc... D'accord, donc tu nous rappelles juste... Un petit peu ivre. Tu nous... ouais, d'accord, bravo, GG. Hein, ça reflète on bien. On se refait pas, qu'est-ce que tu veux. Hein. On se refait. Des platéries de picoles, ça s'invente pas des fois. Ouais. Ça nous fait quand même combien de chroniques? T'as quand même pendu un sacré paquet, je crois. Ça fait une quinzaine de chroniques, on va dire, que je suis en train de retravailler pour l'instant. Il n'y a pas énormément de matière, hein. Je dirais qu'il y a 70-80 pages Word. Pour l'instant, donc, pas de quoi faire un bouquin. Hein. Oh, c'est déjà pas mal, hein. Il y a des bouquins qui font moins de pages, ouais, qui sont bien moins intéressants. Alors, sinon, en bref, l'univers de ton personnage, des anecdotes, enfin ce qui l'entoure, si t'arrives un petit peu à nous en dire plus. Bah alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore jouer les voleurs. Pas dans la vraie vie, bien entendu, hein. Je me lâche pas autant que ça. Mais que ça soit avec des potes en jeu de rôle classique, donc sur table, ou même avec les Warcraft, je m'en suis bien inspiré de l'univers, j'adore jouer les voleurs. Donc les chroniques, ben, elles racontent l'histoire de mon cher voleur débraillé, en route pour la montagne Roche Noire, où il est en mission pour le SI7, puisque c'est un agent du SI7. Mais bon, on ne sait pas vraiment pourquoi et comment il s'est retrouvé au SI7, parce qu'il fait un petit peu bras cassé quand même. Ouais, je sais pas, on va pas dire quelles sont les techniques pour se faire engager là-bas, mais oui, il y en usait. Ouais, j'ai pas raconté encore son intégration au SI7, à voir. Ça serait une bonne idée, ça, hein, quand même. Ouais, ça pourrait être une idée, je crois que tu me l'avais soumise d'ailleurs déjà, mais ouais, ça peut être une idée, effectivement. Niveau univers, pure Heroic Fantasy, mais quand même assez décalé. Hein. J'aime bien reprendre les codes de l'Heroic Fantasy et de les détourner, là. C'est ce qui me fait le plus marrer quand j'écris, quoi. Voilà. En fait, tu te fais marrer en premier, quoi. Je suis mon premier public. Voilà. Bah, c'est toujours mieux comme ça. Hein. Ah ouais, la plupart des auteurs, de toute façon, ils écrivent d'abord pour eux, pour se faire plaisir. Mais c'est vrai que j'aime bien faire plaisir autour de moi, après. Voilà. Et sinon, on va venir, comment tu t'y prends? Si ça te prend du temps, si tu prépares un scénario à l'avance, si tu engages des écrivains fouettés tout nus dans ton garage, je sais pas. Alors, j'en ai déjà engagé, ils sont déjà tous morts d'inanition, je les laisse mourir de soif, les pauvres. C'est pour ça que ça avance pas bien vite d'ailleurs. Il va falloir que. Il y avait un pote qui m'avait proposé des succubes pour écrire à ma place, et pareil, elles ont pas tenu le choc, les pauvres. D'accord. Donc, comment je m'y prends comment dire, c'est vraiment de la grande, grande improvisation, hein, là. Tout ça. Donc, il y a 2 ans, j'ai commencé. J'avais une idée d'épisode final, on va dire. Et c'est tout. Donc, tire la pelote, le fil de la pelote, plutôt. Je dévide jusqu'à savoir où je vais. Donc, c'est vraiment, vraiment que de la grande improvisation. C'est pour ça que ça peut parfois donner l'impression d'un grand n'importe quoi aussi. Quand j'ai le temps, je me pose devant mon ordinateur et mon logiciel et j'écris ce qui me passe par la tête. Donc, j'écris quelques idées de vannes aussi, souvent, et j'essaye de développer autour. J'ai souvent fonctionné comme ça. Voilà. Toujours un petit point central et tu développes autour. Oui. Ouais, une idée centrale et je développe. Mais je pars aussi pas mal sur des idées de vannes ou de calembours, de jeux de mots. Et après, je développe autour, là encore. Je pense pas que ça soit très conventionnel, mais bon, voilà, c'est ma façon d'écrire. Alors, moi, j'aimerais savoir, par exemple, sur les nombreux épisodes que tu as écrits en 2 ans, comme tu dis, si t'en as un spécialement qui t'a vachement inspiré, qui t'a fait le plus marrer, qui est simplement ton préféré. Parmi mes épisodes préférés, j'aurais peut-être du mal à en choisir un quand même. Deux thèmes, on va dire. Le plus loufoque pour moi, ça sera l'épisode 5. Le donjon, c'est avec ou sans assurance. Où je me suis quand même bien fait plaisir. Et où j'ai même appris que c'était l'idée du donjon avec des guichets et puis du personnel qui t'accueille pour faire ce donjon. C'était déjà une idée répandue que je ne savais pas du tout quand je l'ai écrit. Ça. Et donc ça pour l'épisode loufoque. Pour l'action, j'aime bien aussi un plan bien huilé, phalange de golem au menu, et touche pas au golem salope, qui sont les épisodes 10 et 11, et j'adore. Même si, ça peut peut-être paraître un peu long, mais j'ai quand même bien développé, j'ai fait un vrai travail d'écriture sur ces chroniques, donc voilà, je voulais souligner ça sur cette 10 et 11. Je me suis bien fait plaisir. C'est vrai que tu as des passages, j'ai pu noter, moi par exemple, que des passages de combat, comme dans les dernières que tu as fait paraître, que tu as fait reparaître sur le site AAA, donc Against All Authority, qui sont quand même, où tu as des descriptions de même du goût du sang, tout ça qui sont très détaillés, ça fait très, très roman, hein, c'est... Des fois, tu vas bien dans le détail, quoi. Je trouve que c'est bien ça. Des fois, ben... ça fait presque contraste. Ça fait contraste avec quoi ? Bah, ça fait contraste avec un peu le thème un peu loufoque. Tout d'un coup, ça devient presque sérieux, tu vois. Le sang métallique, le goût du sang métallique dans la bouche. J'ai tout simplement mûri hein, sur ces 2 ans. Les premières chroniques, elles étaient vraiment loufoques pour faire rire et tout. Quand j'ai commencé à écrire les chroniques, je voulais pas qu'il y ait de mort ou de choses violentes, on va dire. Si j'avais des adversaires blessés, c'était un coup de chope sur la tronche, etc. quoi. Donc c'est vrai que plus j'ai avancé dans les chroniques et plus j'ai adapté mon écriture à la mûrie pour faire au final quelque chose d'un peu plus littéraire, au moins dans la forme. Et les détails dont tu parlais tout à l'heure, moi ça me paraissait nécessaire pour l'immersion du lecteur. Voilà, bah, je pense que c'est ça en fait, c'est ce qui m'a justement un petit peu frappé, c'est que si on compare avec peut-être voilà, le début ou bien celles qui ne sont pas réécrites par exemple, celles qui sont de base, elles sont vachement plus légères, elles sont plus, c'est plus rigolo on va dire. Tandis que là, ouais, c'est vrai que ça devient limite plus pas sérieux, mais ça devient plus réaliste. Et c'est vrai que moi ça m'avait un peu pas frappé, parce que bon, un coup de chop ça va une fois. Hein. Mais c'est vrai que ça m'avait quand même interpellé. Bon, moi j'ai bien aimé. Mais quand tu dis sérieux, bon, voilà. Ça reste quand même assez léger, il y a quand même pas de bonne vanne et tout. Hein. Oui. Oui, c'est du sérieux voilà. Dans du pas sérieux, hein, comme on dit. Voilà. Non, c'est sérieux, on va dire. On habille avec un joli petit papier. Donc voilà, non, mais c'est vrai que, bah, en tout cas, on sent quand même une évolution du style. Et on espère continuer à voir tout ça. Sinon, bah, j'ai cru des fois qu'il fallait loucher, quand on dit par rapport au style littéraire, il fallait loucher sur certains mots. Bah, c'est du patois que tu utilises. Oui, effectivement, j'utilise le patois. En fait, j'utilise. Enfin, patois, c'est pas tout à fait un patois, c'est plutôt un parler. Donc c'est le gaga, c'est le parler stéphanois qui se parle à Saint-Étienne, Saint-Chemond et sa région proche en fait. Voilà, donc tu trouveras des mots, mais je crois que tu en avais dans l'épisode 8 de Otaku, tu en avais parlé, des expressions oui. Comme vois-tu moelleux, fouilla, voilà, pitanche, ce poutrinier le dorifort. Ouais, il y a des trucs qui sont rien de sale, vachement, hein. Vachement bizarre, hein. faut vouloir comprendre. Ah mais c'est savoureux quoi, franchement... Ça fait plaisir. Ah oui, bah d'ailleurs, bah, je rappelle, c'est pas pour faire de la pub, mais que tu fais donc ton petit dictionnaire et tes petits exercices pour les, pour ceux qui n'y connaissent rien sur notre forum. C'est bien, ça égaye, ça ensoleille un petit peu le. Ah ouais, d'autant plus que la plupart s'y mettent. Hein. J'ai vu qu'il y a du Vendéen, il y a le Marseillais qui se pointe. Ouais, donc bon, ça va. Ça fait des petits. Ou pas toi, vaudois. Hein. Aussi, ouais, c'est vrai, ouais, très joli. Hein. Je pense qu'il y a de quoi rivaliser là. Ah là, je pense qu'on peut s'amuser. Hein. Voilà, bah écoute, bah ça, bah pour les auditeurs, je vous invite à aller regarder donc dans le forum hors sujet la plupart du temps. Donc, notre ami Darwin Fugu campe là-bas. Je pense qu'il a planté sa tente de survie dans ces endroits-là où il essaie de donner des cours aux indigènes du forum. Je plante toujours ma tente dans les endroits sympathiques. Oui. Tu sais. Bah oui. Dès qu'il y a une petite bière et tout, une petite discussion. Toujours ce qu'il faut. Je m'installe. Voilà. Sinon, en parlant justement de tente, hein, puisque j'allais y venir, tu as été un petit peu, un peu nomade hein, ces derniers temps. C'est-à-dire, tu as un peu changé de forum, tout ça, on t'a plus vu tout d'un coup, t'as vanish. Hein. On n'a plus eu beaucoup de nouvelles, on n'a plus lu de nouvelles chroniques. Est-ce que depuis... tu décides de sédentariser, quelque chose comme ça. Alors c'est vrai qu'il faut avouer, ma dernière chronique, ça m'a fait halluciner la dernière fois, j'ai regardé, elle date d'avril 2009, donc je vais bientôt fêter 1 an d'inactivité. Ah bah bravo. Presque. Non, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup sévi sur les forums officiels, un petit peu moins ces derniers temps, et bon, j'ai quand même décidé d'abandonner mon dromadaire et ma vie de nomade, là. Donc je me suis reposé à un endroit. J'ai la chance pour l'instant d'être accueilli par, donc tu l'as dit tout à l'heure, AAA, qui est un des plus gros portails français d'e-sport, là, de sport électronique. Voilà, donc je rappelle Against All Authority. Hein. Ouais, et ils se sont proposés d'héberger mes textes. Donc je devrais finir, si jamais il y a plusieurs saisons aux chroniques, parce que j'aimerais bien continuer de raconter les histoires de mon cher voleur, et ben c'est eux qui vont héberger la fin de au moins de la saison 1, on va dire. Voilà. D'accord. Et sinon, bah, autre projet, je disposais d'un blog pour déposer mes textes. Oui. Mais malheureusement, celui-là, il est plus du tout mis à jour depuis pas loin d'un an et demi. Donc bah, je m'excuse déjà auprès des éventuels visiteurs, si jamais ils y sont allés, ils ont dû se rendre compte que c'est plutôt une caverne avec des toiles d'araignée pour l'instant. Ouais, bon. Le ménage, c'est pas trop ton fort, hein, le Darv. Ouais, pourtant, dans la vraie vie, c'est pas... je me débrouille. Ah, bah ça va, ça va. D'un côté ou de l'autre. Il a une situation à tenir et il fait pas grand chose, effectivement. Voilà. Bah, ça veut dire que tu vas continuer, quoi. Le Darv va-t-il refaire surface, se tirer encore des situations loufoques et tout. Ouais, ben, j'ai le projet de. Mais je t'en ai parlé déjà, hein, donc c'est l'occasion d'en parler un petit peu plus largement. Voilà. J'ai le projet de faire un site où je vais réunir tous mes récits sur vous. Parce que j'ai pas écrit que les chroniques, loin de là. Hein. Donc en plus de ces 15 chapitres qui paraîtront quand je les aurai tous repris un par un, pour qu'ils soient tout beaux, tout neufs, je vais aussi déposer 4 nouvelles que j'ai faites. C'est une autre petite série qui s'appelle Les Nouvelles du Petit Dard. C'est une sorte de petit Spirou, en fait. Enfin, je me suis inspiré pour la référence BD, ça serait plutôt le petit Spirou, où je raconte l'enfance de Darwin Fougou. Donc une enfance un petit peu particulière. Ça peut paraître classique, il a vécu dans la forêt d'Achenval, forêt elfique, mais élevé du côté de la Horde. Oh là là, ouais. Par une grand-mère troll, qui lui a appris toutes ses bonnes recettes de cuisine. Bon, quand on sait que les trolls sont les lointains cousins des elfes de la nuit. Tout à fait. Hein, mais bon, de toute façon, quand on voit le résultat, on se dit bien que de toute façon, il n'a pas eu une enfance normale. Hein. Non, donc voilà, je vous précise, c'est ma grand-mère adoptive d'après les récits. Voilà. Et là aussi, le ton est quand même très frais, j'ai voulu faire quelque chose de super sympa. Un petit peu comme le petit Spirou, ouais, alors ça, voilà. Ça j'ai pas lu, j'ai pas vu encore, et ça risque de me plaire, je pense, j'adore ça. Honnêtement, si t'as accroché sur les chroniques, ça devrait te plaire, effectivement. D'accord. Voilà, sinon, autre petite série que j'avais commencé, il y a que 3 articles, c'est la Méca Gazette de Gnome Regan. D'accord. Regan, avec... un de mes rerolls qui s'appelle Bankapopo. Bankapopo. Servait de mule alchimie. Mais c'est pas Bankapopo, ça me fait penser plutôt à autre chose que de l'alchimie. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, mais non, mais c'est Popo pour potion. Hein. Mais bon, c'est un bon pseudonyme. C'est bien ça. C'est bien. Donc il fait paraître ses écrits. Puis bon, je ne vais pas tout déblatérer là-dessus. Il y aura encore d'autres petites choses. Notamment, j'ai commencé un guide très très pratique de l'aventurier en Azeroth où j'ai fait paraître 2 articles aussi. Voilà, puis d'autres petits écrits. D'accord. Donc il y a pas mal de choses en gros. Et qu'il y a de la lecture. Hein, donc. Il y a de la lecture, hein, s'il y en a qui aiment la lecture. Voilà. Pleine de gouailles, je les invite à venir faire un tour là-dessus. Mousseuse la lecture, mousseuse. Toujours à température. Voilà, donc tout ça, ça nous rappelle quand même que voilà, il y a du RP. Bon, t'es pas le seul, mais c'est vrai que personnellement, niveau activité, en tout cas récente, même si tu n'as plus trop posté de texte, c'est vrai qu'on avait pensé à toi parce que déjà t'es un bon posteur sur notre forum, etc. Un gros floudeur, ouais. Ouais, je préfère bon posteur que gros floudeur, tu vois, c'est un petit peu moins péjoratif, mais ouais, si tu veux, t'es un gros floudeur, hein. Je pense tes messages là, ça commence à faire. Non, franchement, c'est bien, tu vois, t'es quelqu'un vivant et c'est bien que tu joues bien ton style, tu vois. Au début ça pouvait surprendre, mais c'est vrai que tu joues ton personnage même sur les forums, tout ça. Ça m'emmène un petit peu au moi, tu vois, je joue sur un serveur RP personnellement, j'adore le RP et c'est vrai que je me pose la question et je pense que tu vas pouvoir un petit peu m'aider. Le roleplay, est-ce que tu penses que ce soit sur WoW, mais enfin plutôt sur WoW que sur les autres jeux, puisque c'est plutôt de ça qu'on se tire. Est-ce même sur certains serveurs RP, est-ce que tu penses qu'il y a une baisse est-ce que ça se perd un petit peu? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, j'ai un petit problème justement pour juger du RP sur les différents serveurs jeux de rôle. C'est que je suis sur le serveur Vol'jin. Le serveur Vol'jin qui est un serveur PVE. Donc, à l'époque, en mars 2005, j'avais choisi de suivre 2 potes avec qui j'avais écumé les Warcraft. Et on avait commencé comme ça. J'avais voulu également commencer du côté de la Horde avec un troll. Et je me suis retrouvé avec un elfe de la nuit. Bref. Ah ouais. Donc, voilà, tu vois. Mais il y a des petites différences quand même. Hein. C'est aussi des grandes oreilles pointues. Mais on va dire que... il y a une ressemblance, mais j'aime bien les deux. Donc bref, ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé de faire avec ma guilde actuelle quelques petits événements RP. Donc on a fait des sortes de courses au trésor, mais tu vois, c'est resté assez mineur. J'ai fait un reroll qui s'appelle Gandalf. En référence à l'honorable Gandalf, un troll mage, dont je parle dans un de mes récits d'ailleurs, mais bon, bref. Et sur le serveur, alors c'est lequel, je sais même plus, Conseil des Ombres, qui est un serveur RP, JCJ aussi. Donc ça me plaisait bien. On a essayé de faire un petit peu de RP. Moi, en tout cas, j'avais prévu des émotes et tout, et ça n'a pas trop marché. J'ai une vision quand même très partielle de RP sur WoW, et pas pessimiste, mais c'est dur quand même. Hein. Si on veut faire du RP, j'imagine que ça doit être en petit groupe. Ah oui, oui. Oui. Non, mais je vois... Il y a encore des discussions il n'y a pas longtemps, tu vois. Moi, par exemple, donc, je suis sur Kindor, qui est quand même un serveur PVE RP, donc roleplay, même pas en JCJ. Et il y avait même des discussions des fois sur les canaux où bah, les gens disaient voilà, le roleplay ça se perd et tout. Et il y avait même des joueurs qui venaient sur ce serveur et qui dénigraient le RP. Donc, d'assa, bon, déjà, je trouve ça inadmissible. Mais bon, pourtant, tu vois, sur World of Warcraft, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'acquis. Si on veut faire du RP, donc du roleplay, on peut, je veux dire, on peut contacter les maîtres du jeu, on peut leur demander d'aider à participer à des events roleplay. Moi, je me souviens qu'avant, j'étais aussi sur un serveur JCJ, par exemple, et que je m'étais marié dans le jeu, à l'église et tout ça, avec une elfette, parce que j'ai aussi un elfe de la nuit, et qui avait eu donc pas mal de monde. On avait fait des costumes, robes de mariée, tout ça. Non, je pense qu'il y a encore moyen. Simplement, c'est vrai que j'ai l'impression des fois que le RP, c'est que quand les gens en ont envie ou que quand ça les intéresse, tu vois. Je sais pas si tu penses ça ou si t'as un peu traduit ça, parce que par exemple, moi je fais du roleplay, même quand je fais du PVP par exemple, quand je vais au jeu, je suis un orc 2, je déteste les allianceux, je leur tape dessus, j'y a pas de pitié, tu vois, comme dans le vrai, et c'est vrai que des fois certains, par exemple, vont se fâcher, etc., dire ouais, laisse-nous jouer tranquille, machin. Puis je leur dis, ben attendez, c'est le jeu. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les gens oublient facilement le RP, ils oublient qu'ils sont sur un serveur RP, et j'ai l'impression vraiment que ça se dénature, quoi. Ça, c'est certain. Hein. Du moment où tu n'as pas une sélection, un petit filtre à l'entrée des serveurs RP, tu as tout et n'importe quoi. Mais je mettrai un petit bémol quand même quand tu parles des acquis de WoW pour le RP. Moi, je pense que Blizzard, il pourrait faire un petit peu mieux parfois, genre pour interagir avec des PNJ, mais vraiment interagir. Oui. Des choses, petites choses qui pourraient être possibles, même interagir un petit peu plus avec la faction opposée. Oui, alors c'est vrai que toi justement, tu as donc tu montes par exemple un personnage. Là, j'allais le sortir ça. Voilà, t'es quel niveau, juste comme ça? Ouais, mais attends, j'ai arrêté là, hein. Va pas me foutre sur le dos que je suis super lent, super fait. Ah bah écoute, hein, si t'arrêtes, c'est que t'es lent. Niveau 12 là. Niveau 12, bah c'est que t'es lent. Mais oui, c'est vrai que. Alors voilà, toi par exemple, tu me disais comment tu le montais. C'est vrai que je suis resté un peu bavard devant ça parce que tu te dis, voilà, tu montes le personnage à la mode RP, tu m'as dit. Je montais niveau RP, voilà. Et puis en plus, j'ai pris un orc, donc je faisais une découverte de la zone et j'ai envie d'en profiter. Je monte pas vite, je vais voir les PNJ. S'il y a des gens qui sont à côté, bah, je déblatère avec eux. Bon voilà, je discute quoi. Ouais. Mais bon, après, l'immersion totale en RP, c'est pas possible. Ça reste quand même que très ponctuel. Tu en parlais tout à l'heure, au jeu d'hiver, PVP, voilà, tu vas pourrir tes ennemis. Sinon, à l'occasion d'un mariage. Mais moi, je connais pas. Peut-être qu'il en existe. Hein. Bah, de temps en temps, pas de joueur RP. Mais c'est peut-être pas le plus amusant. D'ailleurs, c'est l'occasion de boire une bière, là. Qu'est-ce que tu fous, attends. Dans une taverne Tavernière. Ouais, plus vite alors que ça. Alors, c'est une chope de brune de Tomneige, s'il vous plaît. Faut leur parler comme ça aux naines, hein, sinon... Mon orc, c'est très très nain, quand même. Hein ? Oui, mais non, mais il faut parler aux naines comme ça, parce que sinon, ils comprennent rien. Tu devrais t'interroger sur d'éventuelles origines naniques. Oui, bah, je pense que je dois avoir du sang nain. À mon avis, il y a dû avoir quelques écarts dans ma famille. C'est normal. Essaie de voir, toi, de lui demander en gaga stéphanois, là, si elle a bien de servir quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais lui dire, Starsouille, là ? Vois-tu, malheureux, là, tu vas nous amener vite fait, bien fait, deux bonnes grosses chopes, espèce de grand badabeux. Badabeux. J'aime bien ce terme, je sais pas pourquoi. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est un peu du folklore, quoi. J'aime bien le fait que tu mélanges un petit peu tout ça. Et ça reste, je trouve que voilà, justement, c'est encore plus une immersion RP quand en plus tu lui fais avoir son propre patois, son propre langage, même régional. Ah ouais, mais j'avais prévu des émotes, j'avais tout ce qu'il fallait pour faire un petit patois stéphanois. Mon troll, par exemple, que j'avais fait sur Conseil des Ombres. Il y avait plein d'expressions troll, quoi. J'avais essayé de trouver des trucs sympas en plus. Bon. voilà. Ah bah faudra faire une fois une petite rencontre. Et ouais, carrément. Mon offre serait... vaudois, hein, avec son petit accent vaudois. C'est le jeu de panneau, quoi. C'est quoi. Non, t'es Dieu. C'est un gros gros fabais, celui-là. Ah, t'es Dieu. C'était à qui que tu causes. J'ai déjà rencontré pas mal de fois certains lecteurs. Je créais un petit avatar d'art sur les serveurs et puis on se rencontrait dans une taverne, on allait boire un petit canon, on racontait des conneries sur le canal de Guild ou sur Slash Deer et puis voilà, on s'éclatait bien. Ouais, voilà. Voilà, c'était des petits instants RP, mais bon, pour moi, tout ce qui est roleplay, que ça soit dans le jeu WoW ou en dehors, c'est vraiment pour le délire et le fun, quoi. Ah, c'est fait pour. J'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec ça. Je le prends pas au sérieux. J'aime bien l'immersion, mais je vais pas me balader chez moi en déguisé en homme. Même si j'aime les fêtes médiévales et j'aime bien me déguiser, par contre, à ces occasions-là. Oui, bah c'est pas dans la vraie. C'est toujours le cas. Hein. T'envoies les photos, y a pas de problème. On veut voir. Non, je fais pas de cosplay. Ouais. Non, mais c'est vrai que moi, je vois, j'ai du mal avec ceux qui demandent un langage parfait parce qu'on peut pas tous avoir un langage parfait ou un orthographe. Bah, ça, c'est à la rigueur, c'est débile voire bizarre. C'est élitiste. Ça dépend du background de ton perso, quoi. Être élitiste, que ce soit dans le RP ou ailleurs, je trouve ça nul. Si non, quelqu'un veut pratiquer le RP, mais que malheureusement il est pas super bon, bah laissez-le faire comme il peut, tu vois. Exactement, il faudrait mieux le démocratiser. Voilà, voilà, c'est le problème, je pense. Je pense, pour le petit débat, c'est que le RP se perd parce que il est pas assez démocratisé, justement. Il y a pas. Moi, par exemple, je suis arrivé dans un raid une fois où moi, mon orc, il est bourru. C'est un gars qui fait du PVP. Je me bats tout le temps. Je suis vraiment un gros bourrin. Un bourrin, quoi. Voilà, je suis un gros bourrin. Donc, moi, quand j'arrive dans un raid, si le boss il parle, je vais dire dis donc, t'as pas bien fait au fini, espèce de couillon. Ou bien, tiens, je parle comme ça. Et c'est vrai que c'est ma façon de parler. C'est pas forcément des gros mots, mais c'est une façon très très rude de parler. C'est un orc, c'est pas un elfe de la nuit, c'est pas une tarlouse, quoi. D'accord. Et c'est à moi que tu parles. tu es quand tu veux dehors, hein. Dès qu'on règle nos bières, quand tu veux. Non, mais tu vois, je veux dire. Je me suis fait reprendre en disant surveille ton langage et tout. Bon, je l'ai pris à la mort d'RP. Je fais moi je parle comme ça, hein, moi je suis né, on m'a éduqué comme ça. Et en fait, elle était pas RP du tout. En fait, c'était même plutôt, c'était un avertissement, tout ça, tu vois. Moi, je pensais que c'était pur, disons, surveille ton gage et tout. Parce qu'elle l'a dit très bien, elle a très bien écrit. Mais justement, je suis tombé sur une espèce de je fais du RP, mais que comme je l'entends, tu vois. Et je pense que c'est ça le problème. Et je pense qu'il faudrait démocratiser un peu le roleplay, ce soit sur les forums. Bon, sur les forums, c'est autre chose. Mais je veux dire, même sur les serveurs, je pense qu'il faudrait laisser aux gens... libre loisir d'exprimer leur façon roleplay comme ils l'entendent, quoi. Ouais, ça serait bien. Bon, après, il y a certaines pratiques, j'adhère pas vraiment. Hein. Je sais que à Lune Argent, ils se trament des choses plus ou moins légales et discrètes. Donc bon, j'adhère moins à ces genres de RP, mais bon, à la rigueur, hein, moi je t'invite où on se fait ça une fois, une petite session RP. En taverne, baston ou autre. Hein, pas de problème, pas de soucis. Hein. Bah, écoute, ça me dit, moi. Écoute, y a pas de problème. Tu sais où me trouver, hein. Moi, je sais où te trouver à la rigueur. Tu sais où me trouver aussi. Voilà. Oh, y a pas de problème. Hein. Je finirai bien par te trouver, tu la sais. La taverne du nain qui cuit, moi. Voilà. C'est ma taverne, l'alambic. L'alambic, hein, toi, d'accord. Mais le truc, c'est qu'oublie pas que moi, j'ai le. Hein, je peux pister les gens, moi. Hein. Je peux pister les gens. Fais attention. Je suis un maître des ombres, spécialiste du Vanish éternel. Vanish éternel, oui, c'est quoi ça d'ailleurs? Bah, je pense qu'en fait, si on n'entend plus parler du DAV pour l'instant, enfin, de nouvelles aventures, je crois que c'est. C'est quoi? Petit spoil là, comme on dirait? Est-ce qu'il aurait eu une mauvaise popo de Vanish? Une cape d'ombre défectueuse? Spoil comme tu veux, je te laisse dire ce que tu veux. Moi je sais pas. Moi je penserais que ce serait plutôt voilà, une cape d'ombre défectueuse. Je sais pas, il s'est emmêlé dedans, puis il arrive plus à en sortir. Ouais, c'est encore un objet de contrebande, hein, tu vois. Ouais, bah voilà, fallait pas acheter ça au troll. Bah voilà, bah c'est quand même assez plaisant de voir qu'il y a quand même des gens qui restent un petit peu dans leur personnage, qui jouent comme ça. D'ailleurs, je crois que tu fais pas mal donc de JCJ hein, aussi, malgré tout. Ouais, j'aime bien. Ouais. Voilà. Je m'y suis orienté un petit peu plus parce que j'ai un peu abandonné le côté PVE. J'ai été un petit peu hardcore gamer à une époque, plutôt au début, maintenant plus du tout. Hein. C'est vraiment que pour le plaisir. J'y passe de temps en temps. Un peu de JCJ, un petit peu d'instance, et voilà. Mais j'ai, pour l'instant, j'ai abandonné les raids. On verra. Enfin, les gros raids, en tout cas. Ouais, bah écoute, tu sais, on s'y amuse plus trop. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est toujours la course au loot. Hein. C'est la course au down de boss. Il y a une petite partie de la magie de WoW Vanilla, ouais, classique, qui a disparu avec certains raids. Et c'est dommage pourtant, parce qu'il y a toute une histoire dans Wrath of the Lich King. Hein. Là. Aussi, mais par contre, assez bien fait. Hein. Notamment les trois dernières instances, j'ai pu les faire il n'y a pas très longtemps. C'est beau. Très, très, très sympa. Bah, d'ailleurs, on en a parlé juste avant dans les news. C'est vrai que c'est joli, ils font quand même des bons efforts. Maintenant, c'est aux joueurs de faire des efforts ou de se regrouper s'ils veulent faire du RP. C'est vrai que le jeu n'en serait que meilleur. Donc voilà. Mais dis-moi là, tu l'as tiré vite ta bière d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air stressé là. Fouilla, bon, la fouille, je te laisse. Hein. Je dois franc des carrés de la taverne là, tu vois. Genre une affaire urgente, une chaussette à repriser, une bouteille à descendre. Bon, écoute, salut, à la revoyure. Hein. Salut, salut. Il est à Vaniche déjà? Bonjour, monsieur. Bonjour. Dites-moi. Vous n'avez pas vu un elfe de la nuit, un voleur, d'un peu débraillé, traîner dans le coin? Non. Bon, écoutez, si vous le voyez, vous nous dites, vous nous en faites signe, hein. Parce qu'il est un peu recherché partout dans la contrée, là. Il a volé des trucs et puis il n'a pas payé des ardoirs de bar. Oui, je vous dirai. Allez, les gars, on continue les recherches. Bonne journée, monsieur. Bon, visiblement, c'était un peu le bordel pour lui. Mais Oh, le saligo, il m'a laissé la note. Ah bah bravo, ah bah c'est bien un rock celui-là. Hein? Oh, attends, il y a un petit mot écrit derrière. Donc, salutations au public, aux fans de WTQ. Ça s'écrit pas comme ça déjà, WTQ. Non mais ça va pas ou quoi? Et puis, donc vous pouvez me retrouver, donc, les chroniques de la Chopine. Darwin Fugu, bientôt le site. Ah bah c'est bien, dis donc. Bah on mettra les liens tout ça dans les notes de l'émission, hein. Allez, à ciao. Alors pour cette petite partie truc et astuces, je vais revenir rapidement sur les objets d'héritage que j'ai divisés en quatre types, on va dire. Tout d'abord, vous avez les armes. Je vais vous donner des comparatifs entre, par exemple, le bâton caster et une dague en fonction des prix. Donc vous avez un bâton coup critique puissance d'Estor pour 65 emblèmes d'héroïsme ou 95 sauts de champion au tournoi d'argent. Celui du PVP, donc un bâton avec toucher, résilience, puissance d'Estor, c'est 325 éclats du gardien des pierres. Pour les dagues, c'est beaucoup moins cher, c'est 40 emblèmes ou 60 sauts ou 200 éclats. Donc faites bien une différenciation entre les objets PVP et les objets PVE. Ensuite, vous avez les armures, torse et épaulière. En ce qui concerne les objets PVE, c'est plus 10 plus. En ce qui concerne les objets PVE, vous avez plus 10% d'XP et des caractéristiques diverses. Les objets PVP, c'est résilience et caractéristiques diverses. Vous avez aussi des bijoux que je comprends plus ou moins dans la partie armure, qui sont utiles à la fois pour le PVE et pour le PVP. Alors il y en a deux, la main de justice rapide, bonus de hâte, plus 2% du maximum de PV à chaque mob qui vous donne de l'XP ou à chaque ennemi qui vous donne de l'honneur. L'œil de la bête perspicace, puissance d'essor, plus 2% du maximum de mana à chaque mob qui donne de l'honneur ou chaque ennemi, chaque mob qui rapporte de l'XP ou ennemi qui rapporte de l'honneur. Il y a aussi l'insigne de la Horde héritée pour 250 éclats du gardien des pierres. Je ne suis pas certaine que ce soit franchement un bon investissement, sauf si vous avez beaucoup d'éclats du gardien des pierres, puisqu'on peut obtenir un insigne de la Horde au niveau 60 en faisant une fois la quête PVP de la péninsule, celle avec les tours. Enfin bon, après, c'est à vous de voir, c'est un objet hérité, vous pouvez le donner à un de vos personnages qui est beaucoup plus bas niveau. Ensuite, un autre type d'objet, c'est la recommandation de joues d'hiver, qui est aussi un objet d'héritage et qui confère 2000 points d'honneur que vous pouvez acheter contre 30 éclats du gardien des pierres. Donc les éclats du gardien des pierres se récupèrent en PvE quand vous faites des donjons, et comme ça vous pouvez convertir votre avancée PvE en avancée PvP. Le dernier type d'objet, c'est le tome de vol par temps froid, qui coûte 1000 PO et qui vous permet de voler en Orfandre au niveau 68. La seule restriction, c'est qu'il faut déjà avoir le vol par temps froid sur au moins votre main. Et donc, énorme gain de temps quand même, parce que normalement, le vol par temps froid, si je me rappelle bien, c'est au niveau 77, c'est ça? C'est ça, oui. Et donc là, vous pouvez l'avoir directement au niveau 68, donc je vous dis pas le gain de temps. Alors ensuite, juste pour information, dans les écoutes d'Alaran, vous trouverez une gnomette qui s'appelle Usuri Brille-Pièce et qui vous permet d'échanger tous vos emblèmes. C'est-à-dire qu'elle vous propose carrément, c'est tout ce qu'elle peut faire, de changer par exemple vaillance en héroïsme, conquête en vaillance, etc. Donc auprès d'elle, si vous avez des emblèmes de triomphe par exemple, vous avez juste à parler à cette gnomette et vous pourrez faire tout simplement l'échange directement de triomphe vers conquête, vers vaillance, vers héroïsme, pour acheter les objets d'héritage, plutôt que d'avoir à parler à chaque personne qui est à Dalaran et qui vous fait l'échange. Sinon, vous avez aussi des vendeurs d'héritage donc dans le sanctuaire de Sakash-Soleil, un pour les conquêtes, un pour le vaillance, etc. Et le mec des objets d'héritage. Et vous avez également Dame Evniki Capsalis quand vous êtes croisé. Donc il faut absolument que vous soyez croisé, que vous ayez le titre au tournoi d'argent, sinon elle ne vous propose rien. Si vous êtes croisé, elle vous propose d'acheter donc des objets d'héritage contre des sceaux de champion, et non des objets d'héroïsme, mais ce sont les mêmes objets. Hein. Et sinon, si vous voulez acheter des objets d'héritage PVP contre des éclats du gardien des pierres, c'est au joue que ça se passe. J'étais juste par rapport au sanctuaire des Sakash-Soleil, ça c'est pour la Horde, et il y a bien entendu la même chose du côté de l'Alliance. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, il y a trois vendeurs d'héritage particuliers. Il y a un vendeur d'héritage Horde, un Alliance, et apparemment, il y a aussi un enchanteur qui vend des objets d'héritage. D'accord. Des objets d'enchantement ou c'est des objets d'héritage classique? Non, bizarrement, il a le titre d'enchanteur, mais il vend des objets d'héritage classique. D'accord. J'aurais envie de commencer juste en demandant c'est quoi un objet d'héritage? Alors l'objet d'héritage, basiquement, c'est un objet que tu peux acheter avec ton personnage principal et envoyer à un personnage secondaire. Mais alors, normalement, on ne pouvait pas, on n'avait jamais pu envoyer les objets, même s'il y a écrit « lié au compte », vers un personnage qu'on a sur une autre faction, si ton personnage principal est Horde et que ton reroll est Alliance. Maintenant, on peut, normalement. Et on ne peut pas non plus, même si l'objet est écrit comme « lié au compte », l'envoyer vers un autre serveur. Alors espérons que l'objet deviendra un jour vraiment lié au compte et qu'on pourra l'envoyer vers l'autre serveur, mais sinon, basiquement, c'est un objet qu'on achète avec son personnage principal quand il a atteint le niveau 80 et qu'on envoie à n'importe quel autre personnage du serveur. Mais c'est quoi l'intérêt, justement, d'utiliser un objet d'héritage? N'importe quel objet qui tombe, c'est pareil, non? Voilà, les objets d'héritage aussi ont non seulement la particularité de donner, par exemple, des bonus d'XP, c'est-à-dire que si vous avez le torse et les épaulières, vous avez plus 20% d'XP brut sur le mob. J'ai testé, donc je peux vous le dire, c'est que ça se cumule. Et sinon, ces objets, en fait, montent en même temps que vous. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous gagnez un niveau, l'objet, lui aussi, monte d'un cran et gagne tant de caractéristiques supplémentaires. Donc il s'adapte parfaitement à votre niveau, et pour un objet du même niveau qui tombe, qui parfois est épique, l'objet d'héritage est souvent mieux. Donc ouais, c'était vraiment un objet qu'on gagne jusqu'au niveau au moins 75 sans trouver mieux. Voire même 80, j'ai l'impression, parce que j'ai un peu testé une arme, un torse et les épaulettes. Pour moi, j'ai l'impression que ça se situe entre un objet bleu et violet, hein, tant il est puissant. Exactement, c'est vraiment, les objets d'héritage sont excellents si vous avez énormément d'insignes, et même, du coup, vous pouvez recycler vos insignes de vaillance, vos insignes de conquête, ceux dont vous ne faites plus rien, les envoyer vers de l'héroïsme, les convertir en objets d'héritage qui sont vraiment excellents. Alors un nouvel objet d'héritage a été amené avec la 3.3, en fait, ça concerne le nouveau tournoi de pêche Kaluak qui se déroule en Orfandre. Visiblement, si vous remportez le tournoi, parce que personnellement je n'ai pas encore fait, je dois dire, vous recevez un anneau qui s'appelle l'anneau du terrible pirate, qui est lié au compte également, et qui vous ajoute encore 5% d'XP supplémentaires quand vous tuez des monstres et accomplissez des quêtes. Donc, ce qui veut dire qu'au total, si vous avez 7 anneaux, que vous avez les épaulières PVE, que vous avez le torse PVE, vous avez plus 25% d'XP en tuant un mob et en remplissant une quête. Donc un quart d'XP en plus. Ou comment monter 70 en 3 jours. Exactement. Donc moi je dis, si vous faites, si vous commencez à investir dans un reroll, mettez-vous la pêche, quoi. C'est terrible si tu fais un reroll, sachant que déjà, quand tu fais un reroll, la courbe de grind a été améliorée pour monter plus vite. En plus, avec ces objets, putain, c'est bon, quoi. C'est super rapide, quoi. Personnellement, j'ai monté un personnage avec, elle est déjà de niveau 60, et j'ai pris vraiment énormément de plaisir à EP avec les objets d'héritage. On n'a pas le temps de s'ennuyer dans une zone où les quêtes sont barbantes, puisque de toute façon, on up tellement vite qu'on n'est pas obligé de faire toutes les quêtes. Et puis surtout, ça reste des objets de très bonne qualité, qu'il n'y a pas besoin de changer, et qui évoluent au fil de notre niveau, quoi. Ouais, c'est vraiment, vraiment grave. Parfois, il y a même des caractéristiques qui se rajoutent ou qui se déclenchent quand on passe un certain niveau, c'est vraiment très bien pensé. Mais et les skins sont pas mal aussi, quand même. Les skins sont pas dégueu. Enfin, le bâton, par exemple, le bâton et les épaulières en tissu, pas super adapté. Les épaulières tissu sur un prêtre ou sur un mage, c'est un peu con, puisque c'est un skin démo. Plus démo, ouais. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a des objets d'héritage pour toutes les classes. Enfin, déjà, c'est dans tous les types, que ce soit d'armure ou d'armes. Donc, n'importe qui peut en porter. Voilà. Ah, ils ont vraiment pensé à tout. Il paraît qu'il n'y avait pas d'armes pour ceux qui voulaient monter un tank ou un druide feral, et ils en ont rajouté une. Ah ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est franchement intéressant, les trucs d'héritage. Et du coup, ça enlève un peu le fait que ce soit barbant de monter un reroll, parce que là, on prend vraiment son pied, on est puissant, en fait. C'est vraiment hallucinant. Et puis surtout, si vous avez vraiment plus rien à faire avec vos emblèmes, ça vous permet de les convertir intelligemment. Ouais, sinon, la petite technique par rapport aux objets d'héritage, ce que beaucoup font, c'est que si vous n'avez pas beaucoup d'emblèmes, vous achetez par exemple des épaulières ou le torse en tissu. Au moins, vous serez sûr que tous vos rerolls pourront l'équiper. Donc utiliser par exemple déjà les 10% d'XP en plus. Si vraiment t'es ricrac. Ouais, dans ma baraque, bonjour. Admettons, ça peut être simple, hein. Tu mets ton stuff normal pour faire la quête, et au moment où tu vas la rendre, bim, tu changes, tu mets ton stuff tissu héritage, hop, tu vas rendre la quête, ça te fait... ça marche pas, ça? Voilà. Ah, j'ai carrément fait une macro pour récupérer et envoyer les objets d'héritage entre mes personnages. Oui, mais bon, sinon c'est intéressant de garder l'objet d'héritage, parce que même quand tu tues du monstre, t'as du 10% ou 20% d'XP en plus, donc tant qu'à faire, tu le gardes tout le temps. Oui, sachant que du tissu plus puissant des sorts sur un war, ça va quand même être un peu dur, hein. C'est clair. Non, mais en fait, la macro concerne juste un bâton et deux bijoux, en fait, les deux bijoux dont j'ai parlé. Il n'y a aucune différence d'XP, c'est simplement au moment où je commence la session, quoi. Ouais. Bah sinon, en même temps, on peut aussi envoyer le personnage, vu que les objets d'héritage sont très puissants, traverser toute une contrée, tuer tous les mobs pour aller jusqu'à la boîte aux lettres, aller chercher le bijou et le bâton, et aucun problème. Je veux dire, le bâton et le bijou apportent énormément de bonus, mais rien que les épaulières et le torse, ça suffit à ce niveau-là. Ah oui, clairement. Mais l'arme, c'est surtout un confort en plus aussi. L'arme, ça permet de faire le Terminator. Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est vrai que, franchement, maintenant, on peut se faire des élites qu'on n'aurait jamais fait avant si on n'avait pas été au moins deux. Ouais. Et qu'à ce niveau-là, on aurait contourné en le regardant surtout bien respectueusement. Et là, tu te jettes dans la bataille comme un furieux. Moi, j'ai monté une mage, je fais du corps à corps et tout, je suis une dingue, quoi. Je pense qu'à haut niveau, en instance, ça va donner, parce que je saurais pas du tout gérer mon aggro. Mais... Bon, donc en gros, si vous voulez faire un rôle, pensez en priorité aux objets d'héritage, ça va grandement vous faciliter la vie. Donc pour ce mois-ci, Ludo, qu'est-ce que tu nous as préparé comme instance souvenir ? Pour ce mois-ci, nous allons parler de la cholomance. Mais avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, on va régler une bonne fois pour toutes l'éternel débat, cholomance ou scolomance ? Moi je m'en fous, je dis scolomance. Ouais, je vote pour scolomance aussi, parce qu'on dit school et on dit pas choule. Et Amandine, tu dis cholomance toi ? Ah moi je dis cholomance, parce que j'ai dit Schopenhauer et Schumacher. D'accord, bah je disais aussi cholomance. Alors pour vous expliquer, cholomance... C'est une dérivation de deux mots. Le premier, c'est school, qui signifie école en anglais. Et mens, mention. Voilà, le deuxième partie, c'est mens. C'est un suffixe qu'on retrouve dans des termes tels que nécromancie, géomancie, hydromancie. En fait, c'est lié à toute forme de magie. Donc, on peut interpréter cholomance par école de magie. Donc, en fait, c'est scolomance, ça se dit. Donc, le sco et non pas le show de school, en fait, tout simplement. Donc, voilà pour l'étymologie. Donc la Scolomance, c'est une instance pour 5 joueurs de niveau 56 à 61 et elle se trouve dans les Maltaires de l'Ouest, dans les catacombes du donjon ruine de Kaer Darrow. Alors pour l'histoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, la Scolomance était le domaine de la noble famille Barov. Donc on retrouve d'ailleurs quelques rescapés de cette famille d'années aux alentours des Maltaires. Et le manoir au-dessus des cryptes s'appelle Kaer Darrow, donc au-dessus des cryptes de la Scolomance. Donc le manoir, à l'époque, c'était la résidence justement donc, de la famille Barov, donc c'était des humains, et ils possédaient également la ville de Bryl, Moulin Terren ou encore Ostrivage. D'ailleurs, une des quêtes de la Scolomance nous demande de récupérer ces différents titres de propriété. Plus tard, lorsque le mage Kel'Thuzad recrutait ses disciples pour former le culte des damnés, il proposa en fait à toutes ses victimes l'immortalité en échange de leur promesse de servir le roi Lich. Donc, dans leur soif de richesse, la famille Barov, ce qu'ils ont fait, ils ont accepté l'offre du mage, et comme il leur avait promis, donc il leur donnait effectivement la vie éternelle, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils auraient la vie éternelle dans la non-vie. Donc en fait, ils sont morts, ils sont revenus en tant que morts vivants. Donc une fois le pacte passé, Kel'Thuzad réduisit la famille Barov en tant qu'esclaves, et pris possession de leur manoir. Donc en gros, eux, ils ont tout perdu. Hein. Ils ont perdu leur vie, leur manoir, leur richesse. Hein. Donc super le pacte avec le roi Lich, c'est nickel. En fait, le roi Lich, c'est le banquier d'aujourd'hui, en fait. Voilà. Tu passes un accord et il prend tout. Ta baraque, ton boulot, tout. Vous voulez un crédit? Ah, les mecs, ils sont, je sais pas combien dans la famille. Donc, je suis dit, peut-être le roi Lich, c'est un peu bizarre, non, quand même. Ouais. Ouais. Non, non, c'est tous des blaireaux. Ils disent, ouais, c'est bon, on plonge dedans. Enfin, bref. Il n'y a pas un qui s'est dit, tiens, c'est chelou, un truc qui vole dans l'air, là. En plus, s'il est mort, non, c'est normal. Ouais, il a juste défoncé la ville d'à côté, tu sais. Sponsorisé le fléau, c'est génial. Ouais, c'est vrai qu'Andorral, c'est juste en plus à côté dans les Maltaires, mais bon, c'est pas grave. Hein. Bref. Donc, le fléau s'installa dans les cryptes de Kaer Darrow pour y former une école de nécromancie qui sera donc plus tard connue sous le nom de Scolomance. Donc, l'instance. Donc, de nos jours, Kel'Thuzad ne réside plus dans les cryptes, donc il a levé le voile. En gros, il a planté les petites graines et il s'est barré. Par contre, donc les cryptes, elles, sont toujours infestées de fanatiques et de leurs instructeurs. Donc, parmi eux, on retrouve la liche race Murmegivre, donc qui règne sur les lieux et qui protège les lieux au nom du fléau. Et il y a également un nécromancien mortel répondant au nom de Sombre Maître Gandling, qui sert de directeur de l'école. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme Dumbledore, mais version Scolomance, quoi, version WoW. Voilà. C'est censé faire rire, mais a priori, non. C'est pas grave. Alors, ce qu'il faut savoir également au niveau de l'instance, c'est qu'avant de vous aventurer dans les profondeurs des cryptes de Kaer Darrow, il vous faudra posséder la clé squelettique. La clé squelettique, en fait, ça va vous être utile pour justement ouvrir la porte de l'instance, parce que vous ne pouvez pas y aller comme ça. Alors, deux solutions, soit vous êtes un voleur et vous pouvez crocheter la porte, soit vous avez dans votre groupe ou une personne à proximité qui a la clé, ça suffira, puisqu'elle va simplement ouvrir la porte et vous allez pouvoir retrouver le vortex derrière et rentrer dans l'instance. De votre côté, si la clé vous intéresse pour faire par exemple le au fait, c'est le maître des clés, je crois. Rendez visite au commandant de l'aube d'argent qui se trouve dans les Maltaires de l'Ouest afin d'obtenir la quête qui s'appelle Scolomance, tout simplement, et c'est à partir du niveau 55. Alors pour finir, la petite histoire au niveau de Scolomance, et pour faire un parallèle avec notre monde et les différents mythes, la Scolomance, c'est quelque chose qui aurait pu peut-être exister, donc certains pensent qu'elle existe. C'est une école légendaire de magie noire qui est réputée pour être dirigée par le diable, et elle est prétendue être située près d'un lac, sans nom, dans les montagnes au sud de la ville de Hermannstadt. En gros, c'est dans la région roumaine de Transylvanie. Donc voilà, donc a priori, viendraient peut-être de là les inspirations de Blizzard concernant cette instance, et effectivement, ça se trouve près d'un lac. Donc voilà, donc c'est pour vous planter un peu le décor. Donc typiquement, vous allez retrouver dedans que des morts vivants. Faut pas trop s'attendre à voir des vivants, à part vous. Mais bon, selon que vous allez vous y prendre, vous allez peut-être finir mort aussi. Donc pourquoi on y retourne dans nos jours dans cet instance? Alors déjà parce qu'elle est bien. Enfin, elle est sympathique. Peut-être qu'en rush, elle va être un peu bof. Je pense que là, vous êtes d'accord avec moi. En rush, c'est une instance nulle. Hein. Mais en fait, elle avait tout son charme à l'époque du niveau 60. Je sais pas si vous confirmez, vous infirmez. Je confirme et j'infirme. Tu infirmes, pourquoi? Oui, parce que quand on sortait de là, on était un peu infirme. C'est très con ce que je viens de dire, donc je confirme. Moi, franchement, j'apprécie bien, j'aime bien un petit peu l'ambiance un peu dégueulasse de la chose. Désolé de dire ce mot, mais voilà, j'aimais bien. Amandine, tu aimais bien toi y aller ou pof dans cette instance? Moi, je j'aimais pas trop cette instance. Non, en fait, c'est pas que j'aimais pas, c'est que c'était super difficile parce que déjà, dès la première salle, c'était souvent à cause de beaucoup de wipes et on passait rarement la première salle quand j'ai commencé. Donc, j'aimais pas parce que je connaissais pas. C'est-à-dire, le sombre maître Gandling, je l'ai vu très très tard dans ma vie de joueuse. Toi, t'as commencé à baisser, non, je crois, Amandine? Ah bah clairement, sur le moment, là, je l'ai fait baisser, oui, parce que j'ai essayé avant, mais j'ai pas passé la première scène. Ah oui, parce que j'allais dire, non, t'as pas pu connaître avec ton paladin côté horde, parce que c'était justement avant baisser. L'Ascolomon, justement, c'était le lieu pour continuer sa quête de paladin pour avoir le cheval épique, le cheval niveau 60. Bon, de nos jours, on y retourne, bon, ben, effectivement, surtout pour le haut fait, hein, pour le haut fait Ascolomon, hein, pas d'autre chose. Pour les gros nostalgiques de la quête épique du paladin. Justement, c'était un boss optionnel en fait qu'il fallait invoquer dans une salle où il y avait plein de squelettes. On posait un genre de reliquaire au milieu et il y avait plein de squelettes, il y avait Parva qui venait sur nous. Bon, je crois qu'en 70, il était encore un peu chaud. Bon, maintenant, en 80, c'est juste une formalité. Mais c'est quand même assez... Il y avait certains passages qui étaient assez bouillants dans l'instance. Je me rappelle une salle mortuaire, je crois que ça s'appelait le convent. Il y avait des mobs en fait qui réapparaissaient sans fin. Et pour qu'ils arrêtent de réapparaître, en fait, il fallait aller buter le boss en face, de l'autre côté, l'instructeur Malicia. Ça vous dit rien? Bah, j'ai jamais dû le faire de manière à ce que les mobs aient le temps de rip-up. Moi, je me rappelle surtout d'une salle qui était super, mais je sais pas quel était le boss. Où en fait, c'était des gros squelettes, de ces types de squelettes qui sont responsables des packs, on va dire, dans Stratholme, par exemple. Et là, on avait que ça. Et en fait, quand ils mouraient, ils faisaient une grosse AOE. Et comme on est des gros bourrins quand on arrive à Burning Crusade et qu'on adore paquer et puis faire des grosses AOE parce que le tanking c'est un peu devenu ça maintenant, on arrive, on fait une grosse AOE là-dedans et le tank, plaf, au bout de 10 minutes, enfin au bout de 10 secondes, il capote. Bah, ça veut dire qu'au niveau 60 c'était autre chose. Hein. Généralement, tu ne pouvais pas te prendre deux packs d'affilée parce que c'est vrai que. En plus, il y avait justement ces squelettes qui étaient insensibles à la magie, il fallait les taper au corps à corps. Ouais, je m'en souviens encore, bah ça c'est quand j'y suis allé d'ailleurs, c'était la grosse galère. Je suis allé avec. Ma prêtresse, et puis je vois insensible. Ouais, tiens, un coup de dague, tiens, sans prendre ta tête. Ce qui est fabuleux, comme on dit, il y a toujours quelque chose à raconter sur les instances. Bah, c'est bien, je veux dire, parce que moi, je fais un peu mon vieux papy, c'est des trucs, voilà, j'ai un petit peu oublié, parce que disons que je les ai un peu, j'ai pas fait énormément, à part certaines comme Stratholme, mais c'est vrai que, voilà, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous raconte tes petites anecdotes, on a besoin de ça, quoi. Pour les collectionneurs d'objets totalement inutiles, il y avait également la cloche des Barov. Je sais pas si tu l'as eu avant. Absolument useless. Ouais. En plus, c'est complètement mensonger. Il y a écrit qu'ils nettoient et qu'ils font la cuisine, alors c'est même pas vrai. Alors voilà, en fait, l'intitulé de la cloche des Barov, donc c'est un bijou que vous équipez et vous pouvez utiliser toutes les 10 minutes, si je me plante pas. Et donc il y a marqué utiliser, appelle 3 serviteurs de la maison Barov qui combattent, cuisinent et nettoient pour vous. Alors combat, ok, cuisine et nettoie, walou, hein, c'est... et combat encore, c'est un peu abusé, hein, parce que tu jettes des cure-dents à la tête de l'adversaire, ça fait pareil. Hein. Et puis ouais. Ils arrivent et puis ils font « à moi !» Et puis ils tapent mollement avec des bouts de doigts, et puis ils font 3 points de dégâts chacun, et ensuite, au bout de 10 secondes, ils meurent, de toute façon. Ouais, c'est vraiment pour l'objet inutile et peut-être et pour rigoler. Quoi. Ouais, voilà. C'est pour surprendre les gens pendant 10 secondes, t'as vu, j'ai 3 potes, et puis après... Exactement. Par contre, cette instance, elle était très importante avant Burning Crusade. Pourquoi ? Pour les alchimistes. Parce qu'en fait, il y avait un laboratoire dans la Scolomance qui permettait de faire des potions, enfin de faire les potions les plus puissantes. Et vous ne pouvez pas faire ces potions si vous n'avez pas accès à ce laboratoire. Et ce laboratoire, en fait, il était dans la même salle que le boss qui s'appelle Ras Murmegivre, donc la grosse liche. Et c'était des potions qui étaient assez utilisées surtout pour le Naxxramas ou par exemple pour BWL de l'époque. Ah oui, je me souviens, c'est vrai que d'ailleurs le laboratoire on dirait qu'il est cliquable, mais comme je suis pas alchi, j'aimerais bien en faire. Voilà, tout à fait. Donc les grosses guildes, je pense que c'est surtout les grosses guildes qui s'en souviennent, parce qu'ils devaient aller faire réunir toutes les compos et ensuite aller justement dans l'instance pour fabriquer les potions et ensuite repartir pour aller en raid. Ah bah ça répond à une de mes grandes questions, parce que je me suis toujours demandé pourquoi il y avait ce laboratoire dont on pouvait rien faire. Voilà, mais en fait c'est justement le même laboratoire qu'on retrouve maintenant à Chatrat, qui est dans la ville basse et qui est près des Arakoa. Alors il est derrière la banque Aldor. C'est pour éviter aux joueurs d'y retourner là-bas s'ils avaient besoin justement de faire des potions spéciales. JP, tu l'as faite la Scolomance, toi, il y a peu de temps, non, je crois? Non, même pas, non. C'est la quête. Quand je suis allé, je me dis, tiens, je vais aller la faire et tout, avec mon niveau de 60. Je me dis, tiens, je vais aller tester. Justement, ce qu'on a, je me suis dit, on a la chronique. Je me dis, bon, bah, je vais au moins aller faire un petit tour, voir en fufu, voir un peu ce que ça donne. Et comme un con, bah, j'ai pas fait la quête pour la clé, donc je me suis retrouvé comme un clampin devant la porte, à dire « Oh, mais laissez-moi entrer, laissez-moi entrer !» Non, mais il y a plein de moyens de rentrer sans la clé. Bon, sinon, à la Scolomance, il y avait également le 7T0. Donc, pour ceux qui voulaient avoir un début d'équipement pour commencer les raids. Donc, voilà, je crois qu'on récupérait, c'est la tête, si je me plante pas, sur le boss de fin. Bon, voilà. Bon, sinon, il y avait quelques boss qui étaient bien sympas dedans. Je me rappelle un boss qui faisait une grosse AOE qui faisait assez mal. Il fallait tanker le plus loin possible. Un peu à la manière du Baron Vaillefendre. Il y avait aussi un boss aussi dans les salles finales qui te téléportait derrière une grille et il fallait tuer des Qu'est-ce des que squelettes. J'ai eu peur la première fois qu'ils m'ont fait ça. Ah, le pire, c'est si t'es un soigneur, hein, à l'époque. C'est ça. C'était horrible. J'étais avec ma prêtresse en tissu, tout d'un coup, ils me téléportent et puis t'es dans une salle où la grille est fermée tant que t'as pas tué le mob. Mais en fait, moi, je croyais que la grille était fermée tant que t'avais pas tué le boss. Alors du coup, j'ai couru à la grille et j'ai crié « Sortez-moi de là !» J'étais en train de gratter la porte et je suis sortie. Ah, c'est bien fait. « Mais sortez-moi de là !» Mais j'ai rien fait. Je suis trop jeune pour mûrir. Je passais les doigts par la grille et j'essayais d'attraper les gens. « Sortez-moi !» Il m'a dit « Va falloir que tu tues les mobs. » Et j'ai dit « Mais tu te fous de moi ? Tu veux que je les tue avec quoi ? Coup de bâton ?» J'ai très très peur, je sais même pas si je m'en suis sorti la première fois, franchement. À mon avis, la grille s'est ouverte parce que je suis morte. Bah, sinon, ce que j'avais bien aimé dans la Scolomance, c'était dans la salle finale, justement, c'est un enchaînement de plein de mini-boss pour avoir accès en fait au boss final. Et c'était à l'époque, c'était quand même assez chaud, quoi. Fallait pas trop se manquer parce que sinon, c'était le wipe. Hein. Mais il y en a même un paquet, je crois qu'il y en a 7. Hein. Il y en a au rez-de-chaussée, il y en a à l'étage, il y en a partout. Il y en a 6 ou 8, je crois, un truc comme ça. Donc il y a un fameux boucher, je crois, dans l'histoire, qui tapait très fort, lui. Oui. Ouais. Donc voilà. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai beaucoup de très bons souvenirs parce que j'ai eu la chance de la faire à l'époque, donc pré-BC. Et je pense que c'est là où on récupère encore une fois le plus de souvenirs et c'est le plus palpitant. Parce que bon, après, il n'y a plus trop de gloire à la refaire après BC. Même au niveau 60, mais vu que les talents ont pas mal changé, ça reste quand même très simple et très accessible. Mais c'est une très bonne instance. Bah, voilà. Moi, je suis très contente de l'avoir fait plein de fois parce que maintenant, quand j'y vais, je m'y repère. Et moi, personnellement, j'ai aucun sens d'orientation. Je m'y retrouve nulle part. Mais la Scolomance, là, je connais par cœur. Donc, la dernière fois, je faisais visiter tout. J'étais là, alors sur votre gauche, j'ai demandé crypte, sur votre droite, des goules. Et derrière, c'est le jet d'eau. Mettez pas les pieds dans les petits trous sur les côtés, sinon vous allez tomber à l'étage inférieur. Attention. À la fin, merci pour le guide, hein, bien sûr. Non, je rigole, mais c'est super sympa parce qu'au début, quand je rentrais dans cette instance, je m'y retrouvais jamais. Et c'est pour ça que je la trouvais très déplaisante parce que je me paumais beaucoup. Je retournais deux fois dans la même salle où le boss était mort. Je me disais, ah bon, bah, il y a les cadavres, ça veut dire que je suis déjà passé par là. Mais maintenant, la dernière fois que j'y suis allée, c'était vraiment pour une fois la personne qui habituellement me fait visiter les instances qui me disait, je connais rien, j'ai pas envie de me paumer et tout. Et là maintenant, c'est bon, alors il va falloir qu'on passe ici pour prendre la clé et tout. Puis finalement, quand tu connais, c'est vraiment super sympa comme instance. Enfin, ouais. J'irai pas jusqu'à dire que c'est vraiment super festif, parce que l'ambiance est un peu glauque, hein. C'est quand même chez les morts-vivants. Mais c'est vraiment agréable d'y aller quand tu connais le parcours. Ouais, mais ça rend bien, parce que ça fait un peu bibliothèque, enfin, le départ. Ah, à ce propos, c'est vrai, quand tu parles de bibliothèque, il y a énormément de bouquins. Et d'ailleurs, il y a une grosse, grosse partie du haut fait de lecture qui se fait dans la Scolomance. Bonne lecture, c'est ça le haut fait ? Si, bonne lecture, c'est ça. Et lecture studieuse, c'est Dalaran. Ouais, voilà. Et ben, il y a énormément, mais un gros paquet de bouquins, il y en a bien une quinzaine dans la Scolomance. D'ailleurs, je me rends compte d'une chose, c'est que pré-BC, si on regarde bien, on va dire que les 9 dixièmes des instances sont vraiment des trucs un peu glauques, quoi. Si on regarde les instances à BC, il y avait quand même des trucs un peu plus, comment dire, quand on voit sur l'île de... c'est Keldanas, hein, si je me trompe pas. Oui, la terrasse des magistères était vachement plus colorée. Même le temple noir, si on regarde, il y avait des endroits qui étaient pas mal. Mais c'est vrai que si on revient après BC Vanilla, il y avait beaucoup d'instances glauques. Hein. C'était quand même une ambiance assez pourrave, pré-guerre, tout ça, quoi. On peut se dire qu'il y avait justement, Azeroth était vraiment mal en point et qu'on reprenait petit à petit en fait les positions. Ouais, on s'est surtout fait bouffer, ouais. Ouais. Non, c'est vrai que c'était pas mal le glauque, mais ça rentrait bien, tu vois. Tu vois ? T'as envie de voir de quoi je parle ? Tu vois Ah, mais c'est vrai que là, on vous parle d'un temps où à l'époque, on faisait encore des cages. Ou les moins de 20 ans. Ouais, Ah, mais maintenant, ça n'existe plus. Les cages, tu n'en fais plus. Des moutons, tu n'en fais plus. Tu fais plus rien tout seul. Ah oui, de givre. Ah, ça. À son instance, le jour où je verrai un mouton, quand je vois un mage, c'est le mec qui fait que des AOE. Hein. Et quoi, ils sont complètement de savoir s'il prend l'agro ou pas. Mais moi, je suis super contente quand on est allé à la citadelle. Et j'ai refait des cages. Ah ouais, mais ouais. J'ai réutilisé le bouton sur lequel j'appuyais plus que par erreur maintenant. Et j'étais super contente. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la Scolomance ? ou la cholomance pour Amandine. Bon, alors soyons clairs, il n'y a pas de bête à dropper, il n'y a pas de monture qui tombe. Éventuellement, pour Web, ça aurait plutôt aube d'argent et des morceaux de démons des cryptes. Je conseillerais plutôt Stratol, même pour la. Oui, c'est beaucoup plus rapide, hein, soyons clairs. Ah, c'est une instance comme une autre qui est intéressante parce qu'elle fait partie de l'histoire de WoW, qu'il faut faire au moins une fois pour se dire je l'ai faite. Et puis voilà, je veux dire, si vous avez un reroll, allez-y en tant que reroll, c'est plus agréable. Par contre, comme dirait Jacques Séguéla, si t'as pas fait Scolomance avant 50 ans, t'as raté ta vie. Voilà. On va au niveau 80 plutôt, on va le dire là. Voilà. Non, mais comme on a dit pour Stratholme, si vous la faites, évitez le rush quoi. Et faites-le à vous avec des rerolls en guild tranquille. Et, bon, c'est vrai, par contre, elle est longue, hein, c'est les anciennes instances, donc préparez-vous 2 à 3 heures d'avance. Hein. N'y allez pas si vous devez déconnecter dans 10 minutes. Mais ça vaut quand même le coup de la faire. Et pas en rush, encore une fois. Donc voilà pour la scolomance. J'espère que ça vous aura donné envie d'y aller. Et puis si vous avez des petites remarques dessus, ben n'hésitez pas. Le site et le forum sont là pour ça. Une fois n'est pas coutume, pour la pierre de foyer de ce mois-ci, Brock a bien voulu revenir et nous faire part de ce qu'il avait trouvé sur les forums et sur le net. Bienvenue Brock. Merci Amandine, une fois n'est pas coutume effectivement. Salut Brock. Oui voilà, vous avez ouvert la porte et moi je me glisse, maintenant je suis bien ici, je ne bougerai plus. Voilà. Donc on va commencer cette partie pierre de foyer avec WoW Fan Art, qui est tenu par Speedo. C'est un graphiste et un web designer. Alors, le principe est assez simple, en fait il rassemble... par thématique, les différents fan art et illustrations qu'on peut trouver dans les livres officiels de Blizzard. Donc sous des thématiques, il y a par exemple Arthas, les orques, la Horde ou l'Alliance. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il vit en Corée apparemment et qu'il a donc accès à des fan art qu'on ne connaît pas, puisque les fan art d'Asie, j'imagine. Et donc il y a plein de dessins qu'on n'a jamais vu, enfin que moi je n'avais pas vu jusqu'à là. Parce que c'est vrai que si on fait le tour de Judge Hype ou des forums événements et créations, on finit par un peu tous les connaître et un peu connaître tous les styles. Là, il y a un peu d'air frais, donc c'est très agréable. Voilà. JP, je crois que tu avais quelque chose aussi à... Voilà, donc moi j'ai deux blogs à présenter. Donc, vu avec la nouvelle recherche du groupe, je suis passé avec mon druide, je suis passé en feral et donc en tank. Et donc j'ai fait quelques recherches pour mon druide et je suis tombé sur deux blogs. Le premier qui est tenu par un certain Kikoulol, voilà, ça c'est du pseudo Kirox. Ah ouais. Ça c'est sympa. Voilà. Voilà, donc il rassemble en fait toutes les infos qu'on peut avoir sur le druide Speferal. Donc ça soit il rassemble toutes les news, les stats, les patch notes de la 3.3. Il a fait quelques articles super intéressants. Il présente un peu les stuff qui sont optimales pour le druide feral. Et le deuxième est tenu par un certain Maxime l'aîné. Et ce blog se nomme l'équipement du parfait petit druide tank. Donc ça sous-entend, c'est spécialisé sur le druide ours. Donc on vous mettra les adresses des sites sur les notes de l'émission. Maintenant, Brock, à toi, je te jette au requin. Pareil. La patate chaude est pour moi. J'ai déterré un vieux post du forum discussion générale qui a été bouclé pour d'obscures raisons, mais qui reste quand même intéressant à lire. C'était un post qui s'intéressait à la taille d'Azeroth pour essayer de déterminer. Parce qu'il y a toute une série de calculs pour essayer de déterminer quelle taille faisait Azeroth. Je ne vais pas vous révéler les conclusions ou les résultats des calculs. C'était fait par une certaine I, c'est écrit IE. Et c'était très sympathique parce qu'on voyait vraiment toute la démarche. Et puis, les résultats étaient assez surprenants. Je vous conseille d'aller le lire. Ensuite, il y a des discussions entre geeks, vraiment mathématiciens, sans besoin de calculer sur les genoux, et c'est très agréable. Voilà. Comme je vous dis, le post a été bouclé, mais on peut toujours le consulter. Ensuite, je vais vous parler de Steve Austin. On a eu des nouvelles de lui récemment. Donc ça y est, c'est terminé pour les aventures de Callahan. On n'aura plus de nouvelles planches sur Internet. L'album va sortir à la FNAC. Il faudra se précipiter à la FNAC pour connaître la fin des aventures de Callahan. Donc. Mais pour les fêtes, il y a une boutique de vente par correspondance Steve Austin qui vient d'être mise en ligne. Vous pourrez y trouver plein d'objets Steve Austin. Donc il y a les mugs, les t-shirts avec des personnages de Steve Austin. Il y a même le string Callahan, parce que moi je bouche. Oui, mais moi je bouche. C'est extraordinaire. Pas mal. Allez voir le site de boutique, la boutique en ligne de Steve Austin. Il y a plein d'objets amusants. Voilà. Et bien sûr, Ludo vous mettra le lien de la boutique en ligne de Steve Austin dans les notes de l'émission. Bon, moi, je te coupe la parole parce que moi aussi, j'ai quelque chose à présenter à nos auditeurs dans la pierre de foyer. C'est un nouveau podcast sur World of Warcraft qui a récemment été mis en ligne et qui s'appelle Atomicast. Alors, dans le premier épisode d'Atomicast, Mogrand, qui est l'animateur, il va revenir sur les nouveautés qui sont arrivées avec le patch 3.3, donc la mise à jour de l'interface, les nouvelles instances et raids, l'équipement, etc. Donc, en gros, ça va être surtout en focus sur le patch 3.3 qui est maintenant en ligne. Ensuite, si vous êtes intéressé par les romans de Warcraft, eh bien, sachez qu'il organise un concours qui vous permet de gagner le tome 3, qui est le dernier gardien. Alors pour ce faire, il suffit simplement de faire un dessin du style BD, en fait, avec un dialogue plutôt drôle entre un Murloc et un humain. Et pour finir, si vous voulez participer à l'émission, sachez également qu'il recherche du monde pour le prochain épisode. Donc si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez le contacter. Dans tous les cas, je vous mettrai les liens du podcast dans l'émission. Sinon, à l'oral, c'est http://atomicast.over-blog.com. Bon, ben Brock, je te rends la parole. Hein. Bah, je reviens donc, avec les succubris de Catantiast, un texte... C'est pas un texte, c'est plus des dialogues entre une démoniste et sa succube. C'est sur le forum jeu de rôle, donc des dialogues entre une démoniste qui s'ennuie et sa succube qui s'ennuie aussi. Donc ça, c'est des petits dialogues assez amusants, très courts, toujours très très courts, mais ça marche très bien, je trouve. Donc n'hésitez pas à laisser un mot si ça vous plaît. Alors pour continuer avec cette partie pierre de foyer, je vais vous proposer d'aller visiter un site pour ceux qui ne connaîtraient pas encore qui s'appelle Sons of the Storm. En anglais, hein, en anglais dans le titre, s'il vous plaît, qui en fait contient pas mal de créations d'artistes, que ce soit dessin ou BD ou même histoire. Sauf que ce ne sont pas n'importe quels artistes, puisqu'on peut compter, je ne vais pas tous les énumérer, mais parmi ces artistes, un certain Samwise, un certain Metzen, donc Chris Metzen et Samwise Didier, qui sont donc un qui est le lead designer, un autre qui est. Donc un peu le co-président de Blizzard. Hein, ah, c'est Monsieur Tout le Monde, quoi. C'est le demi-dieu, quoi. AV. AV, demi-dieu. Ouais, tu rites, salut, tante. Oh, et d'autres artistes tels que Twin Cruiser, Tamer, Rayneman, Drogoon, et Red Knuckle. Tu sais pas, voilà. Le faire avec un accent pas plus français. On comprend rien du tout. L'accent qui coupe avec le couteau. C'est voilà. Coupé avec le couteau. I wanna get a piece to fly. I wanna get a piece to flee. Donc voilà. Dans ce site, vous pouvez donc visionner des BD, des dessins, des créations, les biographies des artistes, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Et donc, par exemple, une BD... créé par Samwise en plusieurs épisodes qui relate les aventures burlesques d'un nain bourrin, guerrier. Et cette BD est interactive, je trouve ça très sympa par exemple, parce que vous passez la souris dessus, il n'y a que les dessins et les textes s'affichent au fur et à mesure. L'humour est là, parce que visiblement Samwise Didier, qui est, je rappelle, le chanteur de I'm a Murloc, hein, des Torrid Chieftain level 80. Il y a aussi des photos donc, de eux pendant la BlizzCon. Les BlizzCon plutôt, d'autres événements. Les dessins sont superbes pour la plupart, je trouve que c'est sympa de voir un petit peu ça en dehors du contexte, on va dire uniquement Blizzard WoW, puisque c'est juste leur site à eux. Je trouve très sympa, vous pouvez écrire donc dans le livre d'or les salutations, etc. Puis c'est tout, voilà, c'est un petit site sympa où on peut voir d'autres créations de ces artistes qu'on adulte en, puisque ce sont un peu voilà, les demi-dieux sur la terre de World of Warcraft. Donc je vous invite à aller faire un tour, il y aura les liens dans les notes de l'émission. Bah, si vous n'avez plus rien, moi j'ai juste une vieille vidéo aussi que je sors de mes cartons. C'était Eternal Legend, peut-être que vous la connaissez, de Comic Canary. C'était une vieille vidéo, mais moi c'est une des préférées de toutes celles qui ont été faites sur World of Warcraft. C'est une chanson japonaise, je crois. On m'a dit qu'il faudra que tu me le confirmes. et c'est juste des petits effets pas mal du tout qui ont été faits qui donnent un petit côté manga au personnage de World of Warcraft. Il y a vraiment c'est vraiment très bien fait, voilà. Donc, Eternal Legend par Comic Canary. Par contre, non, je voulais juste signaler un autre truc. Moi, c'était le blog d'Amchan. En ce moment, il y a pas mal d'activités. C'est vrai. J'avais parlé dans la toute première émission. Là, je vois qu'en ce moment, je sais pas, c'est la grippe apparemment qui t'aspire. Je sais pas ce qui se passe. Il y a des centaines de. Enfin, des centaines, non, faut pas déconner, mais bon, il y a au moins 5 planches sur la grippe, c'est ça, qui sont arrivées. Disons qu'elle a failli crever, donc bon, voilà quoi, c'est un beau moment, une belle tranche de vie quoi. Ça m'a marqué. Non, par contre, il y a vraiment du mouvement, et puis tu faisais pas beaucoup de strips avant, tu faisais beaucoup de dessins, comment on appelle ça, des fan art. Ouais. Là, il y a plus de strips, ça ressemble bah, plus. Je trouve ça plus sympa, je sais pas pourquoi. Enfin, ça permet de mieux te connaître les strips, c'est surtout ça. Ouais, si vous voulez rentrer dans mon intimité, c'est tout. Surtout qu'elle se bat, on sait que maintenant elle se bat avec une ceinture, avec le pantalon déboutonné toute la journée, quoi. Voilà, quoi. Non, puis sinon, pour continuer dans la pierre de foyer, il y a également Brock et Eric qui ont sorti le premier chapitre de leur nouvelle BD qui s'appelle Les Angles dans la Terre. On en avait parlé dans les épisodes précédents, c'était Circle qui en avait parlé. Donc il a posté sur JoJype le premier chapitre, donc je vous invite tous à aller le découvrir. Je pense qu'on fera une petite news également de notre côté sur le site ou forum, parce qu'il y a eu quelques exclus aussi sur notre forum à ce sujet-là. Donc bah, en tout cas, j'adore, perso, ça... C'est pas une mort, hein, comme on dit. Ah ben c'est pas d'amateurisme, quoi, c'est... Il y a quand même, on voit, c'est... Voilà, merde, quoi. Moi, ça rocks du poney. Voilà. Moi j'aime bien le duo Eric au dessin et Brock en tant que scénariste. Un très bon mélange explosif, je trouve. Ouais. Je suis vraiment très touché, les gars, merci beaucoup. C'est juste que je suis un peu. Enfin voilà, ça fait bizarre de prendre les commentaires. T'as envie de dire, mais non, c'est si peu, oh là là là là. Non, mais c'est quand même un gros truc, c'est un projet. Visiblement, c'est quand même une histoire qui débute bien. Il y a une suite qui est prévue. Quand on voit voilà, la plume de Brock, qui est quand même super avec les tests qu'il a déjà pondus. Bon, je veux dire, ce serait un peu salaud, on va dire, même de pas reconnaître que voilà, il y a un énorme travail qui a été fait. Vous regardez ça sérieusement. Je veux pas comparer à d'autres BD ou quoi, mais il y a des très bonnes BD qui ont été faites jusqu'à présent. Mais je veux dire, voilà, c'est loin d'être de l'amateurisme. C'est du tout bon, quoi. Et moi, franchement, j'espère le meilleur. Voilà, il le mérite, les deux. C'est très gentil, merci beaucoup Circle. Donc voilà, c'était pour dire que dans cette pierre de foyer il y a eu pas mal de choses. Merci à Brock de nous avoir encore honoré de sa présence. Comme vous l'avez entendu en dernier, donc allez voir cette BD, que ce soit sur JoJype, mais plus sur notre site, puisqu'on a quand même des exclus dessus. Mangez-en, franchement ça vaut la peine, et on attend avec impatience l'histoire tout entière. Wotaku serait le premier informé alors. Il y a intérêt. Je vous remercie en tout cas pour la pub, ça fait plaisir. C'est vraiment une superbe expérience, en tout cas on apprend beaucoup avec Eric. J'essaie de la faire un peu plus, plus à la star. Donc on apprend beaucoup de choses avec Eric. C'est vrai que c'est un défi vraiment intéressant, et n'hésitez pas à nous laisser des messages ou à nous laisser des commentaires, nous dire ce que vous en pensez, ça fait toujours plaisir. Bon, en tout cas, bonne fête de fin d'année, Brock. Et peut-être au mois prochain. Et joyeuse Pâques. Salut, au revoir, Brooke. Salut, ça m'a fait plaisir. Vers les cieux et l'au-delà. Donc pour ce dossier du mois, de ce 9e épisode, j'ai décidé, bon, comme on arrive à la fin de l'année, qui dit fin d'année dit aussi début de l'année prochaine. Donc j'ai décidé de vous donner J'espère pour vous que ce sera de bonnes résolutions. Hein. Donc j'ai décidé pour vous de vous faire les 10 commandements du MMO. Je vais commencer. Premier commandement. Ta tête, tu utiliseras. Donc s'il vous plaît, tous les joueurs, réfléchissez avant de parler. D'accord ? Lisez vos quêtes. Faites des recherches sur les forums quand vous ne trouvez pas quelque chose. Au lieu de passer pour un abruti sur le canal général ou le canal commerce, c'est encore pire. Voilà. Lisez aussi quand vous achetez votre petite boîte de World of Warcraft, bah, vous lisez le manuel avant de jouer. Hein, parce que bon, ça peut paraître bête pour certains, mais il y a beaucoup de réponses qu'on peut trouver dans le manuel. Pour le premier commandement, j'ai envie de dire déjà exaucé, hein, parce que vu que Blizzard a sorti le Quest Helper intégré au jeu, tu vas plus avoir « il est où lui ?» Non, ça va, non, je suis pas d'accord, parce qu'il y a plein de mecs qui ont quand même Quest Helper ou Carbonite Quest ou quelque chose, qui ont WoWhead à côté ou Jajipe en tâche de fond. Mais les mecs, ils posent quand même la question à savoir t'es où on trouve tel mob ou tel truc. Enfin, voilà. C'est lisez vos quêtes, lisez, faites des recherches sur les forums avant de passer pour un abruti, voilà. Je tiens à ajouter d'ailleurs qu'il a complètement raison, parce que ce matin encore, il y avait un type sur le slash 1 qui cherchait un groupe. Alors ouais. Maintenant, on a les recherches inter-royaumes, et le mec, il continue à chercher un groupe pick-up, mais sur notre royaume, tu sais. Et en plus, il a le canal recherche de groupe qui apparaît maintenant voilà. Dans les capitales, enfin. Ouais, il y a des gens bornés quand même. Hein. Donc, je passe au deuxième commandement. Les mobs d'autrui, tu ne voleras pas. Donc il n'y a rien de pire, je pense, pour un joueur qui est en soirée ou qui passe sa journée devant son ordi. Il fait des quêtes de collecte ou des quêtes, je dirais, de génocide, entre guillemets. Hein, de se retrouver avec un mec qui passe par là et qui commence à buter tous vos mobs. Si vous êtes un peu logique, groupé, vous irez deux fois plus vite. Ça prendra moins de temps pour vous deux, et puis bah, qui sait, vous tomberez peut-être sur une personne intéressante avec qui vous aurez peut-être envie de jouer plus tard. Donc évitez de piquer les mobs des autres joueurs, ça a tendance à énerver beaucoup de gens. Voilà. Je sais pas si vous avez des retours, les gens, hein, les trois autres clampins qui sont avec moi. Ouais, c'est vrai que c'est chiant en fait, parfois quand tu fais des quêtes ou quoi, tu es genre t'es niveau 40, ou t'as niveau 80 qui passe, hop, il met un coup d'épée au monstre de quête, et il continue sa route, et il continue juste pour te faire chier, tu sais. Ça me rend fou ça. Non, en fait, ce qui est pas cool, c'est les très hauts niveaux, genre 70-80, qui commencent à farmer leur réputation et qui sont obligés de faire des génocides pour ça, et qui groupent pas avec les petits niveaux qui ont besoin des mobs pour les quêtes. Bon, ça, c'est pas sympa. J'ai quand même eu, je crois que c'est quand j'étais venu sur ton serveur, Amandine, j'étais bas niveau, donc j'avais fait un reroll. Et je faisais les quêtes près de lune d'argent. Et c'est vrai que, en fait, j'ai été quand même surpris en bien, parce qu'il y a un 80 qui est passé, qui me whispe directement. Il me fait tu dois faire ces quêtes là. Je lui fais ouais. Il me fait je te groupe parce que je dois vite poutrer ces mobs là, comme ça fera les quêtes et tout. C'est même le gars qui est venu me proposer, alors qu'il a, franchement, il pouvait ne rien en avoir à faire. Et je trouve sympa, il faudrait que tout le monde soit comme ça, ce serait vachement plus agréable. Ouais. C'est sûr que ça fait vachement plaisir quand même. Sur les sentinelles, j'ai remarqué qu'il y avait un regroupement de joueurs très sympas, c'est bizarre, mais j'étais très agréablement surpris par ce serveur moi aussi. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de RP au final pour un serveur RP, mais on est déjà super sympa. Ouais. Le RP, c'est pas vraiment le truc plus significatif sur les sentinelles quand même. Donc, je continue, hein. Vous m'en voudrez pas ? Non, ça va. Donc, pour le troisième commandement... Collectif, tu joueras. Donc, quand vous faites du pick-up, ou même en guilde, hein, bon, ça peut arriver, quand vous faites des instances ou des quêtes en groupe, attendez que tout le monde ait fini ses quêtes, hein, que tout le monde ait fini de buter le nombre de mobs que vous avez à tuer, que tout le monde ait récupéré la tête de machin, truc bidule chouette, avant de quitter le groupe. Hein, parce qu'il y a le mec qui dit ce que j'avais marqué sur mes notes, hein. Tcho les gars, j'ai fini mes quêtes, puis vous êtes trop lent, alors je me tire. Tu vois, c'est exactement ça. Hein, moi, ça m'est arrivé un paquet de fois, genre pour les mortes mines, tu fais un bon petit pick-up à 5, et puis le mec, il doit juste récupérer les quêtes qui sont à l'entrée du portail, où tu dois aller tuer des morts-vivants, où tu dois récupérer des cartes. Ah ben, tout le monde doit les faire, donc on va tous les tuer. Sauf que lui, il restait juste ça à faire. Au lieu de rester pour faire l'instance avec tout le monde, le type, il a dit « Oh, ben, j'ai fini, je me tiens. » Donc, résultat, on s'est retrouvé à 4. J'ai même envie de dire partagez vos quêtes avant qu'elle soit finie. Combien de fois on a fini de tuer le monstre 4, donc on fait, ah tiens, j'ai la 4, le truc, tu viens de le buter à l'instant, tu es vert. Moi, dans ce sens-là, ce que j'ajouterais, c'est ne pas grouper si tu sais que dans une demi-heure, par exemple, tu vas aller manger. Oui, aussi ça, ouais. Ça, c'est pas quand même horripilant. Ouais, commence pas une quête ou un raid pour te dire, ah bah merde, désolé, il y a mon chat. Parce que j'ai eu le cas, hein, c'était, on fait une instance, je crois, c'était ben, le monastère écarlate. Le gars, on commence, on fait l'armurerie, puis là, d'un coup, il dit, ah ben désolé, on avait prévu de faire toutes les instances. Il dit, ah ben non, désolé, je dois amener mon chat chez le véto. Je dis, mais l'excuse, et bon, c'est peut-être vrai, hein. Mais si c'est pas vrai, c'est vraiment l'excuse la plus bidon que j'ai jamais entendue. Je dois débrancher mon PC, j'ai besoin de la prise pour recharger mon Razor Heart. Mais voilà, encore qu'on peut se dire que le veto, peut-être que c'est ponctuel, tout d'un coup, je sais pas, le chien il s'est mis à vomir, j'en sais rien. Mais le truc d'aller manger, ça va quand même, tu sais que tous les soirs tu manges normalement. Hein. Je pense qu'on est tous pareils, on va manger 3 ou 4 fois par jour. Donc tu sais que tu vas aller bouffer, couper. Franchement, je trouve que c'est du sadisme. Tu sais que tu vas laisser les mecs en plan, quoi. Ou alors tu fais le truc, c'est si à instance tu y vas, manger tu ne feras pas. Voilà, c'est ça, tu manges pas, devant ton ordi, fais un effort, quoi, merde. Ouais, ça existe, les kebabs, les bières, les trucs comme un peu de socialisation, merde. Ras le bol voir des gens physiquement. Voilà, donc on continue, hein. Ouais, tout à fait. Vas-y, donc, Moïse. Moïse, ah oui. Donc, quatrième commandement. Le fourbe, tu ne feras point. Donc, il n'y a rien, enfin, je pense pour la plupart, c'est que qu'il y a plus emmerdant, hein, parce que la plupart des trucs que je vais vous dire, c'est vachement emmerdant, donc je vais commencer par là. C'est de trouver quelqu'un, vous devez aller chercher un coffre, un mob au fond d'une grotte. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un type qui est là en fufu ou n'importe comment, qui s'est mis invisible pour les mages par exemple. Ah bah tiens, il attend que vous rameniez tout l'aggro sur les mobs qui entourent le coffre, et ah bah tiens, il arrive, je prends le coffre et je me tire. Donc résultat, vous avez plus qu'à attendre que le coffre repop, et vous avez plus qu'à buter les mobs encore une fois avant que le coffre repop. Donc, attendez votre tour, laissez la priorité aux joueurs qui vous précèdent. Voilà, c'est peut-être une question de temps pour certains, mais attendez, hein, c'est celui qui se tape les mobs qui récupère le coffre avant. Ah, récemment, pour un copain qui devait monter son minage, je suis allée à la péninsule des Flammes Infernales. On a aggro tout un tas de mobs autour d'un minerai de gangrefer. Et là, t'as un type qui arrive. J'ai envie de l'insulter, mais je vais rien dire. On va dire un bip de niveau 80, donc comme moi. Mais alors, qui se pose en monture volante juste sur le minerai, qui le mine et qui se casse en monture volante. Ah, c'est horrible. Alors, j'ai trouvé ça, mais moche. Mais le mec, j'ai pas pu me retenir de l'insulter, quoi. Ça venait du cœur. Je la vois bien. Putain, connard, enculé, va. J'ai insulté, j'ai les belles, je me suis dit putain, lui, si je le croise, je le fume, quoi. Waouh, toi tu danses le mi à Amandine, non? Non, non mais ça, je mettais, moi si je le mets, je vais te si je le mets dans ma BL, moi je pourrais pas grouper avec, donc comme ça, casse-toi. Ah, je peux pas supporter, franchement, t'es niveau 80, tu fais même pas attention aux gens qui ont besoin de tuer les mobs pour pouvoir avoir accès à leurs sources, je trouve ça dégueulasse. Ah, c'est vrai que ça, c'est vraiment le truc que ça m'est arrivé quelques fois. Je crois que c'est le pire, ce truc. Ça. C'est moche, franchement, c'est moche. Ouais. Donc, je continue. Cinquième commandement. Tu auras du bon sens. Enfin, du bon sens, tu auras. Merci Yoda. Voilà. Bah oui, ça va être comme ça. Hein. Donc, si vous êtes plus. Ça rejoint un peu ce qui était dans le quatrième. C'est-à-dire, si vous êtes plusieurs joueurs à vouloir tuer un mob, ben, groupez. Hein. C'est tout. C'est tout aussi con. Si vous voulez, comme ça, tout le monde aura l'objet, ça ira plus vite et tout le monde retournera vaquer à ses occupations le plus rapidement possible sans prise de tête. Voilà. Surtout chez les Grumgull. Quand on monte sa réputation de Grumgull ou qu'on doit faire un génocide. La zone juste à côté du tunnel où tu dois. Ah, du coup, vu qu'il y a le niveau 80 parce que t'as le déroule au compresseur, bah, ceux qui font leur quête au niveau 55, mais l'ont dans l'os. Ça m'est arrivé il n'y a pas plus d'une soirée, il y a une semaine et demie où je devais faire les quêtes pour monter de niveau. Hein. Et là, qu'est-ce que je vois arriver? Je vois arriver 3-80 allianceux qui dégomment littéralement la zone. Il n'y avait plus un seul mob. Donc résultat, je reste à AFK jusqu'à ce que les mobs... jusqu'à ce qu'ils déconnectent. Hein, et puis... pouvoir continuer mes quêtes, hein, parce que sinon, c'est juste pas possible. Sixième commandement. Du camping, tu ne feras pas. Alors ça arrive à un bon nombre de mecs, de gens qui ont fait du JCJ sauvage ou qui sont sur des serveurs JCJ. Rien de plus chiant que le camping. Donc si vous êtes high level, hein, évitez de vous défouler sur un pauvre niveau 10 qui vous a rien fait. Quoique, hein, parce que si c'est un Kevin qui parle en SMS, vous pouvez le démonter. Vous avez une dérogation. Voilà. Mais c'est vraiment gênant pour les cuisiniers, ça. Pour les cuisiniers. Il va nous sortir une connerie à la Ludo. Putain, je le sens. Gros comme une maison. Non, mais par rapport au camping. Oh là pourquoi là. On peut pas faire de camping. Sinon, pour résumer, ganker ou camping en quelques mots, je pense. Camping, ben, c'est le fait de rester ancré sur ses positions, en quelque sorte. C'est-à-dire, par exemple... De ne pas lâcher le morceau. Voilà, c'est un peu comme du farm, en fait, le camping. C'est-à-dire, dans le sens où on va répéter plus ou moins la même action. Enfin, le farmer, c'est le fait de répéter tout le temps la même action, en fait, pendant un certain temps. Et le camping, c'est pareil, en fait, sauf qu'on va rester à un lieu précis. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, vous voulez augmenter votre réputation Grumgull, ben, vous allez tuer tous les Grumgull qui sont à côté qu'il faut tuer pour monter sa réputation, et vous allez rester dans la même zone. C'est ce que j'appelle plutôt du camping, en fait. C'est un peu du farm aussi, mais c'est plus dans la même zone. Alors que, par exemple, quand on farme, bah, ça permet de farmer toute une zone entière pour récupérer, je sais pas, de la feuille rêve, par exemple. Bah, le ganking, en deux mots, c'est de l'anti-jeu. Voilà. Ouais, et le ganking, après, c'est pourrir la vie des jeunes joueurs, en fait, par exemple. Ça se fait surtout sur les serveurs JCJ, où là, c'est du PVP ouvert. Par exemple, c'est surtout à Stranglerance passer un temps. Alors, je sais plus maintenant si c'est toujours le cas, parce que je joue plus du tout sur ce type de. C'est toujours le cas. Voilà, donc à Stranglerance, c'est les niveaux 80 qui passent tête des rouleaux compresseurs sur des niveaux 40 et qui passent leur journée en fait à rester dans la zone à faire chier leur monde. Donc, je continue. 7e commandement. Le groupe, tu suivras. Donc, quand vous êtes en groupe, bah, vous restez dans le groupe. Hein. Enfin, vous restez dans le groupe. Vous suivez le groupe. C'est-à-dire que vous ne faites pas un détour de 15 km pour aller chercher « Oh tiens, il y a une plante, oh, il y a un gisement de fer, ou oh, ah bah tiens, il y a un mob, je vais pouvoir le dépecer comme ça. » Parce que là, c'est le bon moment, c'est le bon truc pour choper tout l'aggro d'un groupe de mobs et se faire maraver. Donc vous restez avec le groupe, vous suivez le groupe, hein, et puis vous attendez que ça se passe. Hein. Puis pour la collecte, hein, vous attendez, vous faites une session rien que pour ça, vous faites le tour avec votre perso pour aller faire une collecte. Donc, 8e commandement. Dialoguer, tu devras. Donc, comme disait Circle tout à l'heure, c'est justement pour les personnes hein, qui ne dialoguent pas avec les autres. Hein. On est dans un MMO, il faut parler avec les autres. On a des petites touches sur notre clavier pour dire des mots dans le jeu. Donc, vous l'utilisez parce qu'il y en a marre de tomber sur des bots, des autistes. Hein. Moi, je dis pas ça dans le sens péjoratif, mais... Si vous refusez un duel, vous dites non merci, ou une instance vous dit non merci, j'ai pas le temps. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Il y a des gens qui mouillent pour me demander, ah, tiens, ça te dirait pas de faire une instance. Quand j'ai pas le temps, je dis non merci, vous laissez pas la personne en plan. Hein. Donc, 9e commandement. Le français, tu apprendras. Oh, ah. Oui. Oh oui, ça, comme dit Circle, on a une belle langue, hein. On a une langue qui est mondialement reconnue, qui est appréciée de beaucoup de pays. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Le fléau de notre nouvelle génération n'a qu'une chose à faire, c'est le SMS. Tintin. Tintin. Ça, c'est le fléau de tous les... Enfin, je suis un RPiste, enfin, un ancien RPiste. Ça commence un rôliste, ça commence à me gaver. Je supporte pas les fautes d'orthographe, même si je peux en faire. Ça, je reconnais. Mais alors, les... c'est pas super simple à lire. Je vous linkerai ça sur le forum, hein, vous verrez. Enfin, c'est vraiment pas simple à lire un post en SMS. Donc, s'il vous plaît, les gens, quand vous êtes en jeu, faites un petit effort. Je demande pas que ça soit la dictée de Bernard Pivot, hein. Mais bon, que ça soit pas le SMS que vous envoyez à votre copine tous les soirs pour lui dire bonne nuit, hein. Donc, faites un petit effort. Hein. Vous avez le temps. Bon, ça, forcément, vous êtes en PVP ou en PVE en raid. Je peux comprendre, mais quand vous êtes en Grimard, Hurlevent, enfin en capital, faites un petit effort. Donc, 10e et ultime commandement. Respectueux, tu seras. Voilà. Donc, si vous, même si vous ressortez du boulot, que vous êtes pris une grosse chasse par votre patron, par votre petite copine, par votre copain pour les joueuses, si vous êtes fatigué, énervé, malade, quoi que ce soit, vous avez la dalle, que voilà, ça sert à rien d'insulter les autres joueurs, hein. Ils y sont pour rien, donc restez calme. Bien que ça soit dur pour certains, je peux le comprendre. Donc voilà, c'est juste que ça, j'ai ça à dire, c'est que ça arrive, ça, enfin, beaucoup de fois, c'est même en, sur TS, hein, sur certains serveurs vocaux, hein, c'est que le gars, il revient du boulot, son patron l'a engueulé ou je sais pas trop quoi. Résultat, la guilde prend, s'en prend plein la gueule juste pour un wipe, tu vois. Donc, Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est ceux qui arrivent sur TS et au lieu de rigoler, ils font « mais lol !» Ah oui. Même quand ils discutent, ils parlent en SMS, c'est hallucinant. Ouais, ouais. J'avoue que j'ai de temps en temps sorti à ma mère un lol comme ça, tu sais. Et ma mère, elle était là quoi? Non, mais moi, j'avais un pote avec qui on était à la Fnac, et puis là, d'un coup, mais je sais plus, on regardait un bouquin ou une connerie comme ça, et puis là, derrière, il me fait lol. Je dis, mais tu peux pas rire normalement, comme les autres gens, les gens normaux. Je dirais que le respect. De ce que tu parles, le respect, ça englobe un peu toutes tes règles précédentes en fait. Toutes les règles sont liées un peu au respect, que ce soit en jeu, je veux dire, parce que si, je sais pas, il y en a, je pense qu'ils ont l'impression que voilà, on est derrière notre écran, les mecs, on les connaît pas, ou ils sont loin et tout, donc on peut faire nos kékés, quoi, on peut faire nos bonhommes, ça sert à rien. C'est pas une échappatoire à la vie réelle, je veux dire, on peut pas se permettre d'être dans le jeu comme on n'oserait jamais être dans la vie normale. Ouais, sauf qu'il y en a, plein de gens qui ont oublié ça et qui se disent ah putain, je suis caché derrière un pseudo, il y a personne qui pourra me choper. Voilà, j'espère que pour certains qui écouteront ce podcast, ça leur fera prendre de bonnes résolutions pour notre nouvelle année 2010 et peut-être, enfin, pour ceux qui arriveront jusqu'à la prochaine extension, que vous recommencerez à zéro avec vos rerolls gobelins et rerolls worgen. Prenez ces bonnes habitudes de faire attention. Ça, en plus, ça vous donne une bonne image. Une bonne image, ça veut dire, comme disait Blizzard, si vous êtes poli, vous avez une bonne image, ça vous trouverez plus facilement des groupes pour aller en raid ou en instance. Hein. Voilà. Ça vous ouvre des portes. Hein. Je veux dire, pour dire tout ça, je pense qu'il n'y a pas aucune morale là-dedans. Je pense que la plupart de la communauté qui nous écoute, j'ai pu remarquer ça sur le forum, c'est des gens qui sont, matures d'esprit et qui ont l'air d'être des gens corrects en jeu également. Donc c'est simplement, on le fait ça pour au cas où. C'est quand même un truc à toujours se souvenir parce que ça m'est arrivé même moi, hein, tout le monde un jour péter un câble où le mec t'as envie franchement voilà de le prendre, de le choper et de lui éclater la tête quoi. Mais bon, parce qu'il y a des gens justement qui font de l'anti-jeu, du ganking, des choses comme ça. Voilà, c'était la fin de mon dossier pour ces bonnes résolutions pour l'année 2010. Donc à vous les studios. Alors, une fois n'est pas coutume, moi je vais vous parler d'un coup de cœur un peu plus sérieux. Bah, en fait, mon coup de cœur, je me suis dit, vu qu'en ce moment c'est plutôt des temps propices à la révision et au partiel, étudiants se reconnaîtront, je pense justement que ce coup de cœur pourra vous être utile, tout simplement parce qu'il s'agit d'un podcast qui vous plonge dans l'histoire. Alors, dans l'histoire, c'est l'histoire en plus générale, donc sur l'histoire de France, l'histoire du monde, histoire d'un personnage, etc. Donc en fait, c'est un podcast qui se base donc sur des archives, des textes, et c'est également des musiques d'époque. C'est même du cinéma. Hein. Ouais, du cinéma aussi. Donc c'est un historien ou un témoin en fait qui nous raconte les personnages, les événements qui ont marqué l'histoire, que ce soit au niveau politique, social ou culturel. Donc en gros, il y a plusieurs sujets qui ont déjà été abordés. Donc, par exemple, l'électricité, Einstein, le procès de Jésus, la destruction de Pompéi, etc. etc. Donc je trouve, en fait, c'est très bien... comment dire, c'est une émission qui peut très bien accompagner justement vos longues sessions de farm. Donc au lieu d'écouter de la musique ou, je sais pas, écouter des podcasts à la con, hein, genre... Wotaku. Non, je pense que ça pourrait être intéressant justement pour accompagner vos longues sessions de farm. Ça peut être l'occasion justement d'apprendre tout en s'amusant et en jouant à World of Warcraft. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est une émission quotidienne qui passe à 13h30 sur France Inter et qui s'appelle 2000 ans d'histoire. Et si vous voulez également écouter donc les anciennes émissions, là ça se passe directement sur iTunes. Vous allez sur l'iTunes Store et vous tapez 2000 ans d'histoire, ou sinon je vous donnerai directement le lien du site de la radio pour écouter en streaming, par exemple, ou télécharger le MP3. Donc voilà, 2000 ans d'histoire, si vous voulez farmer en... Instruisant. Voilà. si vous voulez passer moins pour un con en raid... Pouvoir sortir que Einstein, il roxait du poney qui tousse, vous écoutez 2000 ans d'histoire, voilà. Non mais sérieux, imaginez le truc, vous êtes en train de farmer et tout, puis d'un coup vous entendez un truc super intello dans le podcast, et là vous dites à la guilde, oh les gars, vous savez que, je sais pas moi, le procès de Jésus, ça s'est passé comme ça, comme ça et comme ça. Et là dis-toi que moi, je sais plus, j'ai fait la fournaise de sang dans Péninsule des Flammes Infernales en écoutant. Le podcast sur, c'était 2000 ans d'histoire, sur le conflit israélo-palestinien. Franchement, j'ai pas vu l'instant se passer. Hein. D'un coup, je me suis senti moins con de faire du haut, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est très prenant, en fait. Puis la façon dont il raconte le mec, c'est franchement terrible. Donc, voilà, comment dire, si vous voulez apprendre en vous amusant à World of Warcraft, franchement, je vous recommande. C'est sérieux, c'est pro et c'est très, très agréable. D'ailleurs, ouais. Je l'ai fait écouter à JP et il a accroché dessus. Moi, j'ai accroché direct, hop, j'ai tout téléchargé, j'écoute en boucle. Enfin, j'écoute pendant mes révisions, pendant que je joue un peu à haut pour me détendre, pendant que je pexe, pendant que je fais des trucs à l'HV. Et je dis franchement, c'est en plus, c'est fait par des professionnels, donc des gens qui ont des livres, ils vous donnent des références à la fin de l'émission. Donc si un sujet vraiment vous intéresse, par exemple moi, j'ai cherché, je suis un fan. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est histoire moyenâgeuse. Et ils ont fait un podcast sur la guerre de 100 ans. Et ils ont donné des références justement de l'auteur qui était venu dans l'émission sur son bouquin sur la guerre de 100 ans, que j'ai commandé. Et je dois dire que c'est vraiment pro. Et en plus, c'est assez court, une demi-heure. C'est pas non plus un podcast de 2 heures qui va vous prendre la tête. Donc une demi-heure sur un sujet lambda, c'est nickel chrome. Merci Ludo. Bah de rien. Voilà, je passe la main ensuite. Qui c'est qui veut prendre le relais? Je vais prendre le relais. Alors moi, pour ce mois-ci, je vais vous faire un coup de cœur sur un manga. Vu que j'adore regarder les mangas et je sais que beaucoup de joueurs de WoW sont un peu dans le même optique. C'est un manga qui s'appelle Gun X Sword. Donc, traduire Gun, pistolet, X, comme un X, et Sword, comme l'épée. Donc c'est un shonen de type un peu mecha. Et western, donc mecha, il y a des robots dedans, des choses comme ça. Western, parce que ça se passe un peu dans un espèce de western, comme un peu un western spaghetti. Les musiques. Attends, c'est quoi un shounen? Un shounen. Ouais. Un shounen, c'est un manga pour les garçons, si tu veux, c'est un manga d'aventure. D'accord. Donc, signifie adolescent. Enfin, le mot shonen, c'est pour les adolescents. Mais tu sais que tu me l'as déjà demandé quand j'ai dit pour One Piece la dernière fois. Donc... Et c'était quoi? Et l'autre, c'est les. Pour les filles, c'est quoi? Je me souviens plus du terme. Shoujo. Ouais, shoujo, ouais. Je crois. Okay. Le dojo. Donc, c'est un shonen, donc manga typé pour adolescents. Bon, quand on dit adolescent, on dit nous aussi. Parce qu'on est un peu des grands adolescents quand on regarde des mangas. Donc de type mecha western. Pourquoi mecha? Parce qu'il y a des robots dedans. C'est même vraiment basé là-dessus. Et western parce que ça se situe un peu dans un climat. On va dire que l'environnement est assez lié au western. Et pourtant un western un petit peu futuriste. Comme aiment à faire les Japonais. Pour certains endroits un peu pas post-apocalyptique. Mais un petit peu déglingué quoi. Et donc, qui est réalisé par Goro Taniguchi, donc, qui a démarré le 4 juillet 2005, la première diffusion. Au début, on m'a conseillé ça, et au début, j'étais un petit peu, un manga mecha. J'aime pas beaucoup les mangas sur les mechas, malgré que j'ai adoré Evangelion, parce qu'il faut qu'il y ait une histoire qui se situe autour. Et pourtant, voilà, j'ai tout de suite été... été happé par ce manga parce que je trouve que l'histoire est superbe. Le héros, c'est un anti-héros, comme aussi comme c'est le cas dans beaucoup de mangas japonais. Le héros est Van, donc on peut appeler Van du Soleil Levant, Van du Crépuscule, Van tout court, etc. Donc c'est, il est d'un naturel un peu égoïste, renfermé, paresseux, il est nonchalant. Donc c'est vraiment le contraire du gentleman. Mais ça reste un combattant aguerri. Sa particularité, c'est qu'il a été modifié. Son corps a été modifié pour qu'il puisse en fait prendre contrôle d'un mecha qui est un peu spécial. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a une épée qui est flexible et qui tout d'un coup devient rigide. Et il appelle son mecha qui descend du ciel telle une énorme épée. Et une fois qu'ils sont là ensemble, c'est une déferlante de combats qui sont assez magnifiques. Je trouve que dès le premier épisode, on est assez surpris. Les musiques sont superbes. Donc en fait, la première fois, donc dans le premier épisode, on le voit donc se battre, c'est dans un village qui s'appelle Evergreen, où il va rencontrer donc la deuxième héroïne du manga qui s'appelle Wendy Garrett. Donc Wendy Garrett, ça fait assez western, hein, on comprend un peu pourquoi. Qui elle, donc sa quête dans ce manga, tout au long de l'histoire, va être de retrouver son frère qui a été enlevé par un homme qui s'appelle l'Homogriffe et qui lui est également donc l'ennemi de toujours de Van. Donc du héros principal, pour avoir tué sa femme. Donc lui, en fait, voilà, donc sa quête à lui, ce sera de la vengeance, de le retrouver. Et pour ça, il est prêt à tout. Au début, bien entendu, il veut pas qu'elle le suive. Il est assez réticent. Mais pour finir, voilà, il y a toujours cette petite complicité entre lui et elle. Il a la fâcheuse habitude d'oublier les noms, ce qui est assez rigolo. Toute cette quête va donc arriver à l'homme aux griffes. Donc cet ennemi mortel, cet ennemi de toujours, qui lui en fait va dévoiler donc des plans assez impressionnants. Et c'est là où on démarre dans quelque chose d'assez simple, donc une histoire simple, qui va se développer en une intrigue assez énorme, qui inclut un peu tout, et que je trouvais très bien. Au niveau style graphique du manga, c'est très bien fait, c'est superbement bien dessiné, les combats sont très bien animés, on découvre d'autres personnages qui ont tous leur propre personnalité, pour donc avancer jusqu'au bout de ce manga, qui compte 26 épisodes, donc c'est pas trop long, c'est bien parce que c'est un manga qui se termine, donc une histoire qui a une fin. Quoi dire, sinon allez le regarder, parce que franchement c'est franchement, il est superbe comme manga. Si vous avez vu Evangelion, comme beaucoup de gens ont vu Evangelion, ça peut vous rappeler un petit peu les mechas d'Evangelion. Un petit peu, je dis, parce que voilà, c'est pas copier-coller. Il y a un bon petit humour un petit peu salace de temps en temps. Dans ce manga, il y a aussi des petits clins d'œil que vous pourrez reconnaître par rapport à certains épisodes, à d'autres, peut-être d'autres créations japonaises qui ont marqué un peu les esprits il y a quelques années. Donc ça, j'aime bien un petit peu les petits clins d'œil. Sinon, voilà, quoi dire de plus, sinon que c'est un bon manga. Je suis assez difficile concernant les mangas et personnellement, tous les gens qui l'ont vu avec moi ont adoré, les musiques sont très bien, et voilà. Donc moi, pour mon coup de cœur du mois, je voulais parler d'une web-série que j'ai découverte ce mois-ci. Il s'agit de The Guild. Donc The Guild, c'est un peu le penchant anglophone, enfin américain, de la série, de la web-série qu'on a en France, qui s'agit de Noob. Donc en fait, ça, le pitch un peu de cette série, c'est de montrer le quotidien d'une guilde. Bon, sur un jeu, on peut imaginer que c'est World of Warcraft, donc. En plus, il y a certains des acteurs qui jouent réellement World of Warcraft. Et donc, ça nous montre un peu tous les penchants un peu bizarres que peuvent avoir les joueurs de MMO. Et ça nous donne aussi des caricatures de certains joueurs. Donc, on a par exemple la Clara, c'est la mère de famille, mais complètement barrée, qui s'occupe aucunement de ses gamins. Donc, par exemple, genre, elle doit aller au mariage de sa sœur. Et elle préfère dire qu'elle a embrassé le marié pour pas aller au mariage, pour pouvoir faire les raids le week-end. Donc bon, c'est pas... Extrême. Ouais, c'est extrême. T'as Tinker Bella qui est une ranger, enfin, une ranger dans leur jeu, qui est le stéréotype de la Lolita, avec la chambre tout en rose, avec les mini-pets et tout, trop fort. T'as le personnage sans doute qui est un des plus marrants, c'est le chef de guild Vork, qui a je sais pas, il est complètement toqué, ce mec, dans le genre toc, il est complètement zarbe, c'est le chef de guild, je sais pas comment expliquer ça. Le jeu pour lui, c'est toute sa vie, Genre, enfin, il vit avec les allocations de son grand-père qui vient de mourir. Donc, tu vois, il fait que jouer. Et pour payer son abonnement, sa ligne internet et tout, ben déjà pour sa ligne internet, il la pirate sur celle de ses voisins. Là. Ça me rappelle des gens, ça. Ouais. Sinon, t'as il a pas d'électricité, il paye pas d'électricité, donc pour son frigo, il préfère acheter des pierres, enfin des gros morceaux de glace directement qu'il met dans un frigo usagé pour pas payer d'électricité. Pour gagner sa vie, il farme de l'or pour qu'il revend un chinois à Pékin. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et puis l'héroïne, enfin, je vais terminer par l'héroïne qui s'appelle Codex, qui est jouée par Felicia Day, qui elle, c'est la fille qui est bizarre. Ils sont tous bizarres, c'est ça qui est marrant, mais on se reconnaît à peu près dans tous. Et Codex, qui est la soigneuse du groupe, c'est une fille qui essaye de se détacher petit à petit du jeu, mais qui en même temps est une hardcore gameuse, quoi. Elle fait des raids et elle essaye petit à petit de se détacher. Notamment le début de la série, c'est elle est au téléphone avec sa psychiatre, enfin sa psychologue, et sa psychologue lui dit mais vous en avez rien à foutre en fait, et elle se fait elle se fait larguer par sa psy en fait. Voilà. C'est que des trucs comme ça, c'est des stéréotypes sur le MMO qui peuvent faire rire les gens qui connaissent pas, parce que les gens passent pour des abrutis, mais ça fera vraiment beaucoup plus rire les joueurs comme nous qui connaissons un peu les manies qu'on peut avoir. Les langages ou les trucs comme ça. Le SMS pas le SMS, mais genre le démoniste Zabou qui est amoureux de Codex et qui va la harceler chez elle et lui dit mais je peux pas le virer parce qu'on en a besoin pour le raid DPS du soir, tu vois. c'est que des trucs comme ça, enfin c'est complètement barré. Donc il y a 3 saisons de 10 épisodes chacune. Donc qui voit un peu l'évolution de la guilde, notamment la dernière saison où on voit la confrontation avec une autre guilde. Et ça devient vraiment hard quand ce qui se passe dans les MMO passe dans le réel. Je vais pas spoiler, j'espère que vous le regarderez parce qu'il y a vraiment ça devient vraiment hardcore. Voilà. Donc je vous conseille The Guild, on peut voir sur leur site internet. Le seul souci que je dirais, c'est qu'il n'y a pas de sous-titres en français. Enfin, on peut les trouver sur internet si on cherche bien. Moi, j'ai pas encore trouvé. Il n'y a que la saison 2 que j'ai pu trouver sur leur site en sous-titré français. Mais bon, c'est de l'anglais basique. Bon, après, faut faire gaffe à leur accent. Mais c'est tout à fait compréhensible pour quelqu'un qui connaît un peu l'anglais quand même. Donc voilà, The Guild. Je vous mettrai les liens sur les notes de l'émission. Bah merci JP. Bon, merci JP. Et donc pour finir, moi ce que je vais juste faire une petite note, c'est que voilà, des gens m'avaient demandé de mettre en fait la liste des musiques qu'on utilisait pour le podcast. Donc vous avez vu qu'elle est assez longue et qu'elle vient principalement du jeu, certaines musiques qu'on écoute à la radio, hein, certains trucs qu'on met de temps en temps, et surtout des créateurs de Two Step From Hell, qui sont des créateurs musicaux en fait, qui créent donc des musiques qu'elles soient épiques, un peu de tous les styles pour les films. Vous pouvez retrouver certaines musiques dans pas mal de films. Donc ils ont sorti à peu près 10 albums déjà, des albums un peu de styles différents, des albums épiques, des albums un peu plus fantastiques, des albums d'horreur, des albums de films tout public, grande famille. Donc toutes ces musiques se ressentent. C'est des très très bons compositeurs. Je crois qu'ils sont 2. Comme je l'ai dit à la fin de ma liste, ces musiques, c'est quand même un énorme travail. Je pense que si vous voulez avoir ces musiques, je pense que c'est pour ça que vous les avez demandées. Ne les téléchargez pas gratuitement, quoi. Je veux dire, achetez-les. Ça, vous pouvez les acheter, hein. C'est tout à fait possible. Vous contactez les créateurs de Two Step From Hell et puis vous pouvez donc demander à acheter les musiques. Parce que c'est quand même un énorme travail, ces musiques de qualité. Et c'est les musiques que j'utiliserai la plupart du temps pour accompagner le podcast en fait. Donc voilà, c'est juste pour préciser ça et j'espère que vous appréciez toujours ces musiques qui donnent un ton bien particulier au podcast. Voilà. C'est vrai qu'elles sont excellentes. Personnellement, j'ai adoré. We'll be right back. Alors, pour le courrier des auditeurs de ce mois-ci, nous avons doublé plus 100% de questions on a reçues. Alors là, on n'a pas reçu une, mais deux questions. Deux questions. Ça rock, ça. Alors, la première question nous vient de Benjamin. Donc, Benjamin qui nous dit... Donc, salut à l'équipe. Voilà. Je vous contacte pour que vous nous donniez votre avis sur les différentes classes en PVP. Quelles sont les classes les plus avantagées et les moins avantagées en BG? Bonne journée à vous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au patch 3.3, il y a des classes qui ont été modifiées. Des techniques de certaines classes ont été revues à la hausse. Donc, c'est vrai que depuis le patch 3.3, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Donc, Circle, par rapport à ça, je pensais notamment aux voleurs qui se font criser en ce moment en BG. En fait, c'est juste énorme. Je pense que je risque quand même de me prendre quelques petits commentaires parce que je vais pas y aller de main morte. Tu vois ton expérience de chasseur. Donc, enfin, c'est vrai que nous, on n'est pas trop calé PVP. C'est surtout Circle qui y joue. Il fait que ça. Ouais, voilà, donc bon, c'est ton point de vue de chasseur, donc c'est pas un point de vue universel, c'est uniquement ce que t'en penses, donc ce qu'il va dire, c'est pas forcément une vérité vraie pour tout le monde. Non, mais en fait, je vais essayer de rester objectif, de pas faire que d'un point de vue chasseur, en fait, parce que c'est clair qu'il y a toujours la même chose, c'est que quand on joue une classe et que d'autres classes nous battent, voilà, on va dire, hey, c'est stylé, c'est pas normal, nanani, nanana, alors que toute classe a plus de chances contre d'autres et moins de chances contre encore d'autres classes, donc c'est toujours comme ça. Je m'arrête juste sur un truc, c'est par rapport aux add-ons, je pense et j'aimerais bien que ça soit une fois mise en place, que les add-ons soient, du moment où on rentre en mode JCJ, que les add-ons soient interdits. Les add-ons qui aident au jeu, les add-ons macro automatiques, tout ça. Parce que moi, j'ai tapé sur des paladins AFK et dès que j'arrivais à 5% de vie, pouf, la bubule automatique, je veux dire, faut arrêter. Ouais, ça, c'est des choses que je trouve inadmissibles. Je veux dire, si les gens ne sont pas capables de le faire eux-mêmes, bah, qu'ils aillent jouer à un autre jeu. Hein, y a Gran Turismo, il y a plein de jeux super sympas où il y a 3 boutons à appuyer. Je trouve, pour moi, ça devrait être plus non pas la qualité des macros, la qualité des add-ons et comment ils sont utilisés, mais plutôt le skill simple du joueur qui devrait être mis en avant. Et pour donc passer au BG, je dirais que tout est dans l'équipe. Si vous jouez en équipe, même si vous perdez, vous aurez l'impression d'avoir bien joué. Parce que si vous partez avec un heal, du DPS, un plateux qui va devant pour prendre des coups pendant que vous DPS à distance, que vous gérez bien vos pièges en étant hunt, les fears, les totems, tout ça, ça devrait aller sans souci. Je veux dire, vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Si vous êtes en solo, et ben gérez votre classe. Quand vous êtes un mage, un démo, un hunt, des attaques distance, ben faites des attaques distance. Il n'y a pas à avoir peur de se dire j'attaque. De loin, on est fait pour. On vaut rien au cac. Pour les rocks, c'est pareil. On dit, oh, les rocks, c'est tout le temps fufu. Je dis, ah, c'est tout le temps fufu. Ils attaquent quand on n'a plus de vie. Mais c'est ça, c'est leur classe. Ils jouent leur classe comme ça. Donc, pour jouer bien, je pense qu'il faut simplement jouer sa classe à fond. Il faut juste essayer de ne pas laisser de chance à l'ennemi. Point. Il faut aussi prendre ça en tant que jeu. Ça peut servir de défouloir, une bonne échappatoire aux méandres de la vie IRL. Mais il faut pas non plus trop se laisser tomber dedans et péter un cap, parce que même moi ça m'est arrivé de péter quelque chose parce que je trouvais ça inadmissible ou quoi, mais j'en ai vu qui vraiment étaient au bord de la syncope, quoi. J'aurais peut-être tendance à dire que le voleur a peut-être un peu plus de facilité en PVP, le voleur et le druide en forme férale grâce à leur furtivité aussi. Je vais vous donner un petit truc contre les rogues, contre les voleurs donc, et les druides spé férocité. C'est clair, quand tout d'un coup, vous voyez que vous perdez du point de vie, en plus vous avez le son, vous entendez les poisons, ou que quand c'est un druide, vous voyez un espèce de petit chat qui saute de gauche à droite à une vitesse phénoménale, c'est très stressant, ne stressez pas. Ils jouent comme ça, c'est obligé, ils vont pas vous venir tout droit dessus en faisant « Ouh, je suis là, je vais te taper bientôt !» Parce que moi, un gars, je le vois comme ça, il n'y a aucune chance de survie. Hein. Donc voilà, je veux dire... Faites ce que vous pouvez faire. Un mage, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ice block ou il va TP? Il va freeze la personne, il va TP plus loin, il va essayer de lui mettre bombe vivante, des choses comme ça, le doter. Moi, personnellement, voilà, je me désengage, soit je claque ma dissuasion, j'ai une dispé, on a plein de choses, on a toujours quelque chose. Le shaman SPLM, par contre, a beaucoup moins de chance contre les rogues. J'ai vu que des gros joueurs s'en sortir contre des rogues parce que c'est très dur pour un shaman, par exemple, il n'y a que le bump. Mais c'est, voilà, par exemple, contre les fufus, ne stressez pas et prévoyez à la rigueur une macro de pour vous désengager du combat corps à corps si vous n'êtes pas corps à corps. Pour les wars, c'est un peu moins difficile, quoique les wars prennent très cher contre les rogues, hein, malgré qu'ils soient en plaque, hein, parce qu'il y a les poisons. Voilà, contre les fufus, c'est clair qu'un rogue ou un druide spé féral qui va vous arriver dessus et vous choper en premier a beaucoup plus de chances en 1 contre 1 de vous terminer que si c'est une autre classe. Après, c'est tout est une question de jeu, hein, je veux dire, c'est comme ça, c'est la vie. De manière générale, je pense que le PVP, ça peut être bien pour vous permettre de mieux maîtriser votre classe, en fait. C'est justement dans ces moments-là que vous allez justement gérer le stress et votre réactivité. C'est là que tout va faire la différence, en fait, entre une personne qui maîtrise sa classe et une personne qui ne la maîtrise pas. Et je pense que dans certaines rencontres en PVE, ça peut vraiment vous aider de bien connaître votre classe et faire un peu de PVP pour un peu mieux l'appréhender. Ah oui, totalement. C'est peut-être une longue réponse que je donne, hein. Mais par exemple, moi je pense totalement que quelqu'un qui gère en PVP, qui plus est, n'utilise pas forcément d'addon et joue, c'est une question personnelle, mais à la souris comme moi. Moi je joue à la souris, j'ai très peu de raccourcis clavier, je crois que j'en ai deux. C'est une question d'habitude surtout. C'est une question d'habitude. Moi en raid, je rigole, hein, parce qu'en raid, la différence c'est que c'est des boss poteaux, ils sont pas très intelligents. Il y a une stratégie qui est établie. En PVP, il y a des stratégies de base contre toutes les classes que vous pouvez rencontrer, mais tout le monde joue différemment. Moi, j'ai fait plusieurs duels contre la même personne jusqu'à comprendre comment il fonctionnait. Et ensuite, ça a changé un petit peu la donne. C'est toute une question d'apprentissage. On n'en finit jamais d'apprendre sa classe, et encore plus en PVP. Et surtout que les patchs, ils n'arrêtent pas de modifier les classes. Donc, c'est à chaque fois un apprentissage qu'il faut recommencer depuis le début, limite. Oui, bien sûr. C'est quelque chose de en constante évolution. C'est très dur pour Blizzard, je pense, de mettre à niveau une classe en PVE et en PVP. Mais bon, voilà. Donc, en général, la question, c'est qu'il y a des classes qui ont beaucoup plus de chances que d'autres en général. Il y a des classes qui ont plus de chances contre d'autres classes uniquement. Mais bon, moi, je dis, jouez, apprenez à jouer en PVP. C'est en constante évolution, évoluez avec vous arrêtez pas sur des choses qui vous semblent injustes parce que sinon, vous en sortirez jamais. Voilà. Bon, ok, bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le PVP, ça tient à cœur un circle. Oui, je ne fais que ça, enfin, non, je fais que ça et des raids, voilà. Ah, bon, ben, merci en tout cas pour ta question, Benjamin, j'espère qu'on aura répondu. Alors, la deuxième question nous vient de Rako. Il voudrait savoir, d'après nous, quelles sont nos prévisions pour la sortie de Cataclysme. Alors, c'était déjà prononcé par rapport à ça, plus ou moins nos prévisions. Par rapport aux récentes news qu'il y a eu sur la communauté, notamment un message en bleu dont on parlait tout à l'heure dans la partie news, Blizzard a dit qu'il y aurait sûrement un patch intermédiaire entre le 3.3 et Cataclysme. Donc, de mon point de vue, s'ils vont faire un 3.4, donc a priori ce serait vraiment un 3.4, ce serait, je pense, la sortie de Cataclysme début d'année 2010. Genre, pas début d'année 2010, mais début de rentrée scolaire 2010, soit en août-septembre. Ouais, c'est trop long. En fait, admettons, là, on est en décembre, vient de sortir le 3.3, ok ? Donc, on va dire, pour préparer un gros patch, il leur faut 3-4 mois. Donc, ça fait janvier, février, mars-avril, on va dire, plutôt, pour voir plus avril pour la sortie du patch intermédiaire. Et ensuite, il reste mai, juin, juillet, août, 4 à 5 mois, en fait. Encore de. Il va falloir sortir un gros truc, hein. Oui, mais on l'avait déjà dit. Le truc, c'est que cette instance, la citadelle de glace, c'est quand même une grosse instance, visiblement. Hein. Ouais, ils vont sortir les boss progressivement, ça, ils l'avaient dit. Mais ça, c'est certaines guildes, enfin même beaucoup de guildes ont déjà fini les 4 premiers boss. Bon, 110, mode normal, c'est normal aussi. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a le mode 25, le mode héroïque. Il y a quand même pas mal de choses encore qui restent à faire. Ils avaient dit qu'ils sortiraient Arthas que Arthas arriverait au bout de 3 mois, je crois. On l'aurait pas avant 3 mois après la sortie du 3.3. Oui, c'est normal parce qu'ils débloquent les nouvelles instances après un mois plus tard. Voilà. Je sais pas, mais j'espère juste une chose, et ce qui m'étonnerait pas, c'est que vu que c'est censé être l'instance finale, bon, on sait jamais puisqu'il y avait eu le plateau du Puits du Soleil abaissé, mais les derniers boss sont censés être quand même un niveau au-dessus, un petit peu plus dur. Quand on pense à Syndragoza et Arthas, on peut penser au dernier boss de BT quand on est quand même mis assez de temps à être tombé, bon, pas énormément, mais voilà. ça peut prendre quand même pas mal de temps. Hein. Faut pas oublier, il y a ensuite les hard mode, les offets, etc., qui, comme Ulduar ou Naxxramas, ont pris pas mal de temps. Ils peuvent encore sortir des instances annexes, comme ils avaient fait avec Zulaman et Zul'Gurub précédemment. Moi, je dis qu'ils ont, je pense, certainement bien assez de contenu à nous mettre sous la dent. Et moi, j'appuie la thèse de rentrée scolaire, voire pré-Noël, donc dans une année, un petit peu moins d'une année, la sortie de Lich King. Moi, je la vois la sortie beaucoup plus tôt. Bon, après, parce que, c'est justement ce que j'avais peur avec cette histoire de dire, parce que si je me trompe pas, ils avaient dit que le 3.3 serait le dernier patch. Tout à fait. Avant Cataclysme. Et j'avais peur en fait qu'ils nous fassent le coup d'ArenaNet qui était le développeur de Guild Wars, qui avait dit que la dernière extension de Guild Wars serait la dernière avant Guild Wars 2. Donc résultat, entre les deux, là ça va faire bientôt un an et demi que la dernière extension de Guild Wars est sortie, et le jeu est en train de mourir à petit feu. Mais moi je la vois beaucoup plus tôt que ce que vous avez dit pour la rentrée scolaire, c'est... Bah, en ouais, attendant, si c'est pas au niveau de Pâques, je le vois pour Noël, facilement pour Noël. Je dirais que je pense que Noël ça fera un peu tard quand même, parce que ça va laisser les joueurs 8 mois sans nouveau contenu, et c'est énorme. Ce qu'on a vu, l'attente qu'on a eue entre BC et Wrath of the Lich King, putain, la fête n'en pouvait plus quoi. Le dernier mois c'était une horreur. T'avais refait tout le contenu. Bon, bien sûr, après il restait les raids de haut niveau, mais bon, les 3/4 joueurs pouvaient pas y accéder. Bon, ben, wait and see, mais bon... Qui vivra verra, hein. Survivez pour cette année 2010. Voilà. Non, ben, ouais, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, j'ai hâte que Cataclysme sorte, parce que c'est... Comme d'hab, à chaque fois, ils savent nous tenir en haleine pour les extensions qui sortent. Et... J'ai une petite place au show pour un loup-garou. Donc j'attends. Moi, je ne ferai jamais un gobelin. Moi non plus, c'est sûr. Moi, premier truc, je vais reroll gobelin et worgen juste histoire de voir les trucs, et après, les zones peut-être, de départ. Peut-être l'introduction, ouais. Moi, je me languis de voir des taurens dans des cartes, dans les montures des gobelins. Ah ouais. Ça va être fun, je pense. Merci pour ces questions. Et donc, avant de clôturer cette partie courrier des auditeurs, il y a bien entendu les messages sur le répondeur. Donc, que je vous passe tout de suite. Et après, ben, ce sera la clôture de notre 9e épisode. Et c'est du folklore. Encore une fois, oui. Et les messages sérieux, on les attend toujours. Hein. Mais je crois qu'on ne les aura jamais. Bonjour à vous les amis Risley sur le serveur d'Aïtar. Je vous ai téléphoné juste pour vous dire de continuer comme ça. Vous avez un très très bon podcast et il me fait très plaisir de l'écouter. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Tosek. C'est juste pour dire que voilà, je kiffe ma race en écoutant votre écoute, tu vois, t'as vu, tranquille. Toi, je descends plus brûler des voitures. Maintenant, je joue à World of Warcraft et tout. Alors, je brûle plus des voitures. Je brûle des trucs dans l'eau, tu vois. Tu vois, j'ai fait un alliance chasseur. Et puis avec mon pet, tu vois, on défonce des sangliers, quoi. Tu vois, on fait de la chasse et tout, c'est trop de la balle. Et puis, je fais mon deal, tu vois, sur l'HV, tu vois. Je revends des trucs qui font des buffs pas de trip et tout. Alors, c'est trop de la balle. Alors voilà, merci à Otaku. Et tiens, c'est pour passer une petite annonce que voilà, j'ai joué à Voto, maintenant je suis majeur. Et j'ai cherché une meuf qu'elle est pas trop qu'elle joue à vous puis qu'elle est pas trop moche, tu vois. Que pas un ton, quoi. Genre qu'elle soit belle comme Amandine, tu vois, moi ça va bien. Alors, salut! Allô, Otaku? Ouais, bonjour! Alors là, je vous appelle parce qu'on est en live, en fait, avec JP, Ludo, Circle et c'est Redwin. Et en fait, je me faisais chier. Et vu que je paye pas avec ce téléphone, et ben, je vous appelle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Florent, voilà, il vient de se tremper son fut, là, avec de la DSP. Sinon, il y a Ludo, je crois qu'il est en train de décéder, et Circle qui est en train de se faire vomir. Rien d'autre, tiens, je vais boire un coup parce que j'ai soif. Qu'est-ce que je peux dire? Oh, tiens, j'ai nettoyé mon ordi tout à l'heure parce qu'il y avait la poussière dedans, donc forcément, je vais à mon ordi. Normal, tiens, là, ça fait ce bruit là. Hein, ouais, c'est pénible comme bruit, hein, ouais, je sais. Sinon, quoi d'autre? Ouais, pas grand chose. Mauvaise journée, j'ai eu plein de boulot là. Journée de merde, quoi. Ah, symbole phallique. Tiens, j'ai entendu phallique. Attendez que j'entends un mot qui se rapporte au sexe, évidemment, hein, je réponds. Hein? Hein? Qu'est-ce qui se passe, là? c'est du bruit ça. Ouais, voilà. Ah oui, c'est, ah, c'est pénible comme bruit, je crois que. Ah oui, hein. Allez, c'est, voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah, bientôt 2010, hein. Là, plein de cadeaux à acheter pour Noël. Je sais pas si une limite de temps hein, pour Wotaku, mais bon. Alors, en tout cas, j'ai un putain d'écho, je crois que c'est à cause de Florent. Ouais, on s'en bat les couilles. Bon, voilà. Sinon, j'ai un super calendrier dans les mains de 2010. Peut-être vous laisser, hein, peut-être aller manger des frites, là, maintenant. Voilà. A plus! Salut, Wotaku. Moi, c'est Kevin, le paladin. T'aurais pas un PO, s'il te plaît? Et puis, vive l'Alliance pour trop lol. Et voilà, nous voici arrivés au terme de cet épisode spécial pré-Noël, voile d'hiver et tout ce qui s'ensuit. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes, passez un bon Noël, faites attention sur la route, bien entendu, IRL, ne buvez pas, sur WoW c'est pas pareil, hein. Ne buvez pas avant de prendre le volant, faites plaisir à vos proches, profitez un petit peu de décrocher, hein. Mangez bien, de toute façon on s'en fiche, hein, y a le régime pour ça, hein. Et on vous dit ni au mois prochain, ni à la semaine prochaine, mais à l'année prochaine. Bon, je vois pas de quoi rajouter de plus par rapport à tout ce qu'a dit Circle. On vous souhaite de très bonnes fêtes. On espère vous retrouver également l'année prochaine pour l'épisode 10 de Wotaku. N'oubliez pas qu'il y a également le concours. Donc de participer, vous avez jusqu'au 31 décembre à 23h59, voire même 59 secondes pour les plus aventureux. Mais s'il vous plaît, ne faites pas ça le 31 décembre. Hein. Passez ça avec votre famille ou avec vos amis. N'allez hein. Pas faire la bannière. Moi, je veux le panda reine. On vous dit à l'année prochaine. Et en attendant, portez-vous bien et de très bonnes fêtes. Et évitez l'indigestion de foie gras et de chocolat. Et comme je dirais, comme dirait mon père, celui qui boit pas, c'est celui qui s'emmerde. Donc voilà. Ça va tout à fait pas du tout dans le sens de ce qu'on a dit avant. C'est pas... Du coup, bravo, j'ai... Ah, c'est pas voilà, mal, ça, je connaissais trois mots, pas. Le mec non, c'est... démolit notre bienveillance, tu sais, notre bienséance podcastique. Celui qui conduit, c'est celui qui boit pas, et celui qui boit pas, c'est celui qui s'emmerde. Bah, moi, pour finir, je voudrais juste dire je t'aime à tous les gens qui pensent que je devrais leur dire je t'aime, parce qu'ils ont sûrement raison. Et je souhaite de bonnes fêtes à tous les autres, parce qu'après tout, c'est pas grave, je les aime quand même, surtout vous, qui écoutez Wotaku. Oui, oh sous la couette, bon, sur la... dans les chalets. À la piscine. Voilà. Allez, bisous. Joyeuses fêtes. Salut à joyeux tous. Joyeux Noël. À l'année prochaine. Et juste avant de lancer le bêtisier, ben, la musique du bêtisier, c'est une dédicace pour quelqu'un qui se reconnaîtra. Alors la musique pour le bêtisier de cette... C'est bon, ça, j'ai compris. Alors la musique qui arrive, c'est... Non. Ouais, t'as encore non, la voix. T'as encore la voix, Ludo. Merde. Alors la musique du bêtisier ce sera Pouette. Ah merde, pardon. Excuse, c'est parce que le bouton est tellement gros que je sais même pas quand il est enclenché ou pas. Circle, t'avais un mot à dire là-dessus, je crois, non, puisqu'on a parlé tout à l'heure. Hein? Oui, oui bah... ou non? Non, je l'ai pas envoyé, je compte le faire. Et ouais. Putain. C'est pas hey, vrai quoi, de... c'est pas un bar ici quoi. Donc, non, j'ai pas encore fait, je compte le faire assez rapidement avant qu'il y ait plus de place. Bon, pour l'instant, il y a visiblement encore assez de place et bah, on invite aussi les membres de Wotaku à le faire. Oui, donc je l'ai pas encore fait. Donc, moi, je compte le faire personnellement, essayer de faire un truc un peu stylé. Alors, on pourrait presque faire un truc Wotaku, mais je pense qu'on va le faire. Putain, vous entendez derrière ou pas? Un petit peu. Ouais, on entend. Bon, au pire, je montre un peu la musique. Hein. La gamme des produits Apple, Maxis Land, c'est 800 mètres carrés de chiffre. Informatique, toute la papeterie, route de... Non, mais bon, c'est bon, quoi. C'est pas une ménagerie, ici. Fire, fire. Je vais juste dire. Putain. Voilà pour la petite histoire des lieux. Alors. LOL. Vous allez rendre visite au commandant Aslam Valorfist. Valorfist. À mon avis, ils le fist valeureux. Ouais, bon. En français, ça fait pas. Ça fait le doigtage, le doigtage de riche, valeur. Doigtage de valeur. Ah, tu le sens, mon doigt en noir. Bon, bref. Aussi, lors de la sortie de Solomance, en fait, j'ai commencé à baiser. C'était à peu près à cet âge-là. Et. J'ai commencé à baiser. Ça, faut que j'arrête, là, j'en peux plus. Bah oui, tu dis qu'elle se circulise, alors faut que je fasse pire. Je me suis dit, merde, il voulait dire baisser, il a dit baiser, faut que j'interrompe, mais sur le coup, j'ai pas capté. Bon, ok. Bon, voilà, on va finir, on va clôturer la scolomance. Est-ce que quelqu'un veut prendre le mot de fin? Le mot de fin? Non. Cendrier et hippopotame. Bon. Chut. Ludo. Couchez, Ludo, arrête de rire. Oui, pardon, monsieur. C'est juste énorme. Donc, Ludo, pour ce point, qu'est-ce que tu nous as préparé comme instant souvenir? Alors, c'était très bien, JP, sauf que là, c'est Scott qui s'y est mis, en fait. Putain. Ça, ça, je le garde. ça se voit que JP a un rôle druide ours, hein, tu sais. On sait que c'est riche, ouais. Parmi eux, on retrouve la riche. La riche. la riche liche. La riche liche. Artum, da ist riche liche. Pourquoi pas? Non, ma soeur c'est Wolverine, elle a des griffes à la place des ongles. Ah non, putain. Tu as bon. Bah, foudroie, il a du regard, fait cyclope. Un peu à la manière du baron Vaillefabre. Vaillefabre. Buffet du chocolat, Vaillefabre. Bon. Bon, sinon, tu fais bien le frein, Amandine. Ouais. Merci.